Salut tout le monde, bonjour madame, bonjour messieurs. Peut-être qu'il y a quelques femmes qui étaient autrefois des messieurs qui nous écoutent, ou bien l'inverse, hein, dans notre époque, il se passe toutes sortes de choses. Il y a peut-être des hybrides, des espèces de mi-hommes, mi-femmes, ou des hermaphrodites. Il y en a de tous les styles. Je sais pas, Fred, si tu as regardé ça. Clic Matin à VTL, il y a une espèce de personnage, là, Archie. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est un petit peu nébuleux pour moi. Peu importe, ici tout le monde, on les accueille les bras ouverts. Il faut que vous soyez un amateur de MMA. Et à partir de ça, on travaille avec n'importe qui. Alors bonjour tout le monde, on a une émission chargée quand même. Pas de grosse affaire du UFC ou le gros gala du Strike Force, mais toutes des petites affaires, mais plus intéressantes les unes que les autres. Alors de ce pas, on salue Frédéric Garcia, l'homme nouvelle lui-même. Salut Fred. Salut Ken, ça va bien? Ça va super bien. On a tellement de choses à discuter, puis on va être là pour les prochaines semaines. Là, à chaque fois, c'est un rendez-vous d'au moins 1 heure et demie, je dirais. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On verra comment ça va donner. On a vraiment beaucoup de flexibilité, puis ça va aller selon les sujets, puis selon nos humeurs, hein. Oui, exactement. On va parler jusqu'à temps qu'on n'a plus rien à dire, malheureusement, pour nos écouteurs. Ouais, c'est ça. Alors, mais aujourd'hui, il y a plein de choses à dire. De quoi qu'on va vous parler cette semaine? Alors, les sujets seront. On aura les résultats des événements dont on vous a parlé la semaine passée. Bon, c'est pas des gros événements, mais quand même, il y a des choses intéressantes parmi ces événements-là. Alors, on va vous parler des résultats du Strike Force Challenger. Il y aura ensuite un événement qui a eu lieu au Japon, le Sangoku. Et un événement dont on va pas vous faire part de tous les résultats, là, ben à peine, mais on va en glisser mot sur l'événement qui a eu lieu du Art of War, une organisation chinoise. On aura quelques résultats à propos de l'ADCC, qui est le plus gros tournoi de grappling du monde qui a lieu maintenant à chaque 2 ans. Et puis ça réunit les meilleurs là en jujutsu, en sambo, en lutte. Les meilleurs grappleurs au monde se donnent rendez-vous. Cette année, ça a lieu en Espagne et on va vous faire part des résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Donc de la journée d'hier et rappeler à tout le monde que la finale se déroule aujourd'hui, ce dimanche 27 septembre. Peut-être glisser un mot également sur les résultats du K1. Je pense que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs qui se trouvent en France notamment, puisque l'un des vôtres était en action, Jérôme Lebanner, le vétéran, il est là depuis à peu près toujours et qui performe toujours bien, mais qui malheureusement n'a jamais réussi à aller chercher le gros titre, là, le gros tournoi du K1 au mois de décembre. Mais là, cette fois-ci, il aura encore sa chance et c'était probablement dans ses dernières années, là, quand même, parce qu'il est dans la trentaine fort avancée, le bon vieux Jérôme Lebanner. Par la suite, Fred, de quoi que tu vas nous parler au sujet du UFC? Il y a des potins, des rumeurs, des nouvelles, lesquelles entre autres qui t'ont touché le plus particulièrement cette semaine? Ben, c'est sûr qu'on va parler de la situation de Quentin Rampage Jackson, à savoir qu'est-ce qui se passe avec sa carrière, quand est-ce qu'on pense qu'on pourrait le revoir dans l'UFC ou dans une autre promotion, là. On va parler de ce qu'on pense de son futur pour lui. On va discuter aussi d'Anderson Silva qui devrait affronter Vitor Belfort le 2 janvier prochain. J'ai hâte à l'été déjà. Le 2 janvier prochain à l'UFC 108. Anderson Silva contre Vitor Belfort pour la ceinture des 185 livres. À part ça, on va parler aussi de l'avenir de différents gars comme Frank Trigg, Crocop, Roger Huerta. On va toucher à peu près à tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans l'UFC. Oui, puis on fera un retour sur José Aldo la semaine passée. Fred s'est dévoilé à nous, là, il nous a parlé de l'un de ses prospects qu'il préfère, et c'est José Aldo que moi je ne connaissais pas, là, sinon que de nom. Puis bon, je savais qu'il avait une bonne fiche, là, mais je ne le connais pas, j'ai jamais vraiment vu à l'œuvre. Et Fred nous l'a fait découvrir un peu la semaine passée. Puis on va essayer de compléter cette discussion-là sur José Aldo, puis peut-être essayer d'amener dans la discussion d'autres jeunes combattants fort prometteurs dans le milieu du MMA actuel. Et si j'ai le temps, je vous parlerai de mon ami Tâche de Marde, que j'ai pas eu l'occasion de vous parler la semaine passée, mais il a besoin de vos conseils, alors on va essayer de glisser ça dans l'émission. Sinon, ça ira la semaine prochaine. Puis on va vous présenter quelques galas également, dont le Dream, une autre organisation japonaise. Ça, c'est en toute fin d'émission. On va vous présenter ça. Et il y a quand même des combattants. Je pense que la plupart des amateurs de MMA là, qui se respectent connaissent. Donc, on parle de Sokoju, Bob Sapp. Bon, c'est un peu un combattant. C'est un combattant quand même qui peut nous amener quelques émotions. Il nous fait rire à chaque fois, au moins. Il y a plein d'autres combattants que vous connaissez, Shinya Aoki et plein d'autres. Donc, on va vous parler de ça. Il y a également un événement qui aura lieu au Canada, en Alberta. Ça, c'est le 2 octobre. On va vous parler de la carte qui est fort impressionnante quand même. Il y a un gala amateur qui s'en vient aussi au Québec, organisé par Stéphane Vigneault, le Fight Quest, qui arrive le 3 octobre. On fera peut-être un petit tour de ça aussi. Puis d'autres nouvelles, d'autres potins. Tout ça dans notre émission de cette semaine. Alors, on est content de vous accueillir. Et on peut vous dire d'emblée que c'est notre dernière édition de l'émission sans nom, puisque dès la semaine prochaine, c'est fini les émissions préparatoires. On est fin prêt et on aura un nouveau nom, un nom définitif et clair. Mais vous avez encore l'opportunité de nous aiguiller à savoir quel nom qu'on va choisir. Pour l'instant, on hésite. Bon, la voix des guerriers, c'est pas mal notre préféré. Et il y a certaines personnes qui nous ont appuyé dans ce sens-là. Il y a une personne qui semble pas apprécier ce nom-là et qui a proposé à Gare à Wang, et j'ai trouvé ça assez coquin. Mais il semble que C'est original. ça sonne prétentieux à mon oreille quand même. J'aurais bien aimé appeler mon émission La vie selon Ken. Mais non, j'en suis pas encore là dans l'étape de ma vie. Alors, on va y aller avec une émission un peu plus rassembleur là. La voix des guerriers. Moi, j'avais pensé peut-être au comité et plein d'autres noms comme ça. Mais on vous invite cette semaine à nous envoyer vos idées, puis on va se fixer là-dessus. Puis dès la semaine prochaine, vous allez être dans une toute nouvelle émission avec un nom. Ce sera bien prêt à choisir et on espère que ça va être bien tout ça. Et de quelle manière vous pouvez rentrer en contact avec nous? Alors ça, c'est pas très compliqué. Il y a radio à commercial mmnouvelle.com. Alors ça, c'est une des options. Également, sur le mmnouvelle.com, vous pouvez accéder assez facilement à À différents section commentaires. contact. Dans section contact, il y a les adresses courriel des différentes personnes qui sont impliquées sur MMA Nouvelle. Alors, vous pouvez communiquer avec qui que vous voulez. Aussi simple que Oui. ça. Là, c'est merveilleux. Alors, vous voyez, toutes les alternatives sont là devant vous. Alors, c'est à vous de choisir et on va tous vous lire. Ça, c'est bien évident. Et également, si vous avez des commentaires sur n'importe quel sujet qui vont toucher le MMA, bien sûr, et parmi les plus pertinents, nous, on va conserver ça. Puis, on va en parler dans nos émissions. On réservera un petit coin dans notre émission sur vos commentaires, vos idées, ce que vous voulez apporter. Alors, chaque semaine, ce sera un rendez-vous. On va transmettre les idées de nos auditeurs les plus pertinents et intéressants. Oui, on les invite à être original, comique, sérieux, peu importe le sujet qui les intéresse. Autant que c'est original et intéressant, on va lire ça sur les ondes de notre émission. Alors, c'est parti. On va débuter ça assez rapidement avec les résultats de certains événements. Ici, on commençait par un événement qui a eu lieu le 25 septembre passé, donc ce vendredi. C'était à Oklahoma, un événement mineur du Strike Force, qu'on appelle le Strike Force Challenger, qui est l'équivalent, je pense, des UFC Fight Night. Alors, ce sont pour la plupart des jeunes combattants ou des combattants en début de carrière. Et certains d'entre eux sont plutôt prometteurs. Parlons du combat principal qui opposait Tim Kennedy à Zach Cummings. Alors, Tim Kennedy, rappelons, il avait une fiche de 10 victoires et 2 défaites avant le combat. Et à son dernier combat, quand même, face à Nick Thompson, il a réussi un magnifique TKO. Alors là, il est de retour et Tim Kennedy l'a emporté face à Zach Cummings par soumission au deuxième round. Alors, par étranglement nord-sud, alors Zach Cummings y a goûté et Tim Kennedy est allé chercher une belle victoire. C'est une première défaite dans le cas de Zach Cummings. Rappelons qu'il avait une fiche de 10 et 0. Alors, sa fiche immaculée maintenant devient 10 et 1 pour Zach Cummings. Oui, Kennedy a eu une belle performance. À la fin du combat, on nous disait qu'il pourrait être un opposant potentiel à Jason Miller ou Jake Shields. Je sais pas s'il est encore à ce niveau-là, mais il a eu une très belle performance. Il faut garder un œil sur Kennedy. Il a bien dominé son opposant au sol, je trouvais. Il a donné. Il l'empêchait de bouger puis de renverser les transitions. Alors, Kennedy, faut garder un œil dessus, mais j'ai un doute à savoir s'il est prêt pour Miller ou Jake Shields, qui sont deux quand même assez vétérans. Il me semble qu'il a déjà affronté Jason Miller. Tim Kennedy, ça se peut-tu? Il me semble qu'il a perdu contre Jason Oui, à Miller. deux reprises, Tim Kennedy a remporté un combat face à Jason Miller, c'était en 2003, puis il en a perdu un en 2007. Ah, OK. C'est bon. Ben, à vrai dire, vous voyez, Jason Miller, je l'aime bien, mais je pense que Jake Shields est à un niveau supérieur entre les deux. Et Tim Kennedy, c'est un combattant intéressant, puis ça montre que Strike Force commence à avoir un peu plus de profondeur dans les différentes divisions. Comme je dis, je sais pas s'il va être prêt tout de suite pour un combat de championnat, mais c'est un combattant qu'il faut garder un œil dessus. Oui, c'est ça. Malheureusement, la profondeur s'arrête à peu près là. Parce qu'on poursuit avec Ray Seafoe, le vieux vétéran qu'on a vu surtout au K1, qui a réussi des performances quand même notables. Rien de remarquable, mais il a toujours bien fait. Puis c'est un combattant spectaculaire qui a du cœur, 38 ans. 6 pieds, un peu graisseux quand même, là. Je ne sais pas à combien il a fait la pesée pour le Strike Force, mais ça doit être autour de quoi, 240, 250. Ray Sifo qui s'entraîne avec le clan Extrême Couture. Il affrontait Kevin Jordan, un vétéran qui a combattu à deux reprises dans le UFC. Et malheureusement pour lui, dans les deux cas, ça s'est avéré deux défaites face à Buentello dans l'un des cas et dans l'autre cas, un KO là, assez spectaculaire de Gabriel Gonzaga. Alors, Kevin Jordan a encore une fois subi la défaite malgré qu'il avait entamé le combat de belle façon, mais au deuxième round. J'ai pas vu le combat malheureusement, mais Fred m'en a parlé hier. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin Jordan? Je suis pas sûr exactement qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu un mauvais mouvement, mais malheureusement pour lui, son genou a semblé être disloqué. J'ai pas lu exactement c'était quoi la blessure, mais le genou a semblé sortir de où ce qui était supposé être. Alors, ça avait l'air très douloureux. Immédiatement, quand c'est arrivé, s'il faut arrêter, il a vu que son opposant était blessé. Alors, il a montré une belle discipline de sa part. Et s'il faut, même pas 3 ou 4 secondes après, il est allé voir Jordan pour voir s'il était correct. Alors, Jordan, jusqu'à ce point-là, avait un très bon combat. Je dirais même que Sifo paraissait pas très bien. Et malheureusement, la blessure a mis fin pour lui, là, pour le vétéran. Il s'agissait d'un deuxième combat à MMA pour Ray Seafoe. Le premier, il l'avait emporté, mais ça fait déjà, son premier combat remonte déjà à quelques années, là. C'était en 2005 qu'il avait remporté le combat par KO grâce à un coup de pied en pleine face du Coréen Min Soo Kim. Là, il va chercher une deuxième victoire, mais encore une fois, c'est rien de convaincant pour Ray Seafoe, qui a 38 ans, on comprendra. Je pense pas qu'il est parti pour une nouvelle carrière, mais on va quand même suivre ça, on sait jamais. Ça peut donner des combats spectaculaires quand même, un gars qui sait se débrouiller debout au sol. Bon, on est un petit peu moins certain. Par la suite, un autre combat. Et là, je pense, je vais aller assez rapidement. Tyron Woodley a remporté une victoire par un clé de bras face à Zach Light. Ça, c'était au milieu du deuxième engagement. Par la suite, Thomas Longacre affronte Travis Kalanok. Et Longacre a remporté une décision. 30-27, c'est la décision des trois juges. Et finalement, parce qu'on ne fera pas le tour de toute cette carte-là, parce que déjà, on est dans les bas-fonds, là. On n'a pas nécessairement des noms que vous connaissez. Peut-être pas des noms qu'on a envie de connaître tant que ça pour l'instant. Mais il y avait un combat dans les poids lourds qui opposait Daniel Cormier, un lutteur quand même, qui a réussi à aller chercher beaucoup de succès dans la lutte amateur, qui a même fait les Olympiques, je crois, ou est-ce qu'il a Oui, fait les Olympiques? il a fait l'équipe et malheureusement il était blessé, il n'a pas pu participer, mais il a fait l'équipe nationale américaine pour plusieurs années consécutives, dont la dernière qui a été aux Olympiques. Oui, ah, d'accord. Et ben c'est ça. C'était son premier combat en MMA. Et Daniel Cormier a fait ça de belle façon. Il a remporté un combat par TKO face à Gary Fraser. C'était au deuxième engagement à 3 minutes 39. Oui, ben. Moi, j'attendais un peu. Il y avait beaucoup de publicité pour Cormier, vu son background en lutte collégiale. Il a bien paru, un peu, si on veut, mais son opposant n'était pas de calibre. C'était vraiment un opposant en bas de niveau, si on veut. Est-ce que Et son prix pas également à Gary? Pardon? C'était également son premier. Dans les deux cas, c'était leur premier combat professionnel. Alors, Ouais, mais Cormier, au moins, avait de l'air plus d'un combattant, tandis que son opposant, au début, ils ont mentionné qu'il avait un background en athlétisme, et justement, il avait de l'air d'un sprinter plus que d'un coureur de track and field, si on veut, sur course, parce qu'il faisait juste s'enfuir de Cormier. C'était un peu comique à voir, même. Ah. Mais Alors. c'est ça, Cormier a été quand même impressionnant, mais son stand-up, son striking faisait un peu dur. Et aussi, il semble petit, il pèse juste 230-235 livres. Il mesure juste 5 pieds 11, alors je me dis qu'il est un peu petit pour la division des poids lourds. Peut-être s'il serait capable de descendre à 205, parce qu'il est un peu baquet, si on veut, là. Je suis sûr qu'il est très fort. Avec des athlètes de MMA de même, il ne faut pas toujours se fier à l'apparence. Mais je suis sûr qu'avec une bonne diète, il pourrait descendre à 205, ou ce qui pourrait sûrement avoir plus de succès. Alors, ben c'était ça pour le Strike Force Challenger du 25 septembre. Rappelons que le 6 novembre est prévu un autre événement, encore mineur, avec comme combat principal un affrontement entre Jorge Gurgel, un vétéran du UFC et partenaire d'entraînement de Rich Franklin, qui serait opposé à Billy Evangelista. Mais un peu plus tard, c'est-à-dire le lendemain, le 7 novembre, là, on a un événement intéressant à nous mettre sous la dent, et ce sera le retour de Fedor Emelianenko qui affrontera Brett Rogers. Fred, as-tu hâte à ça? Moi, j'ai toujours hâte de voir Fedor. J'aurais aimé mieux voir un autre opposant que Rogers. J'aime beaucoup Rogers. Il a très bien paru dans ses combats. Malheureusement, il y a juste celui d'Arlovski qui était, si on veut, un opposant qu'on connaissait. Et Rogers a fait tellement vite qu'on n'a pas pu voir vraiment de quoi qu'il est fait. Mais c'est sûr, moi, je vais toujours regarder les combats de Fedor. J'aurais aimé mieux de voir Alistair Overeem. Peut-être Verdum, je ne sais pas, mais dans le Strike Force, justement, il y a un manque de poids lourd. Alors, ça risque d'aller assez vite, tout ce que Fedor n'aura pas vraiment d'opposant de qualité, je pense. Oui, mais dans le cas de Verdum, je pense pas qu'il peut faire quoi que ce soit contre Fedor, honnêtement. Dans le cas d'Alistair Overeem, debout, il est intéressant, mais si Fedor réussit à l'amener au sol, là, ça va être une toute nouvelle histoire. Mais face à Brett Rogers, Brett a vraiment rien à perdre. Puis bon, apparemment, il y a une force de frappe assez incroyable. Alors, s'il est capable de demeurer ça debout, Fedor peut être en danger. Mais évidemment, là, ça prend pas un génie pour comprendre que Fedor devrait remporter ce combat-là. Mais c'est un genre de sport où tout peut être renversé en l'espace d'un coup de poing. Alors, voyons voir. Mais c'est le reste de la carte qui va peut-être être un peu plus intéressant, qui vont peut-être nous montrer des combats plus âprement disputés, plus chaudement disputés, c'est-à-dire, je pense à Jake Shields face à Jason Miller, ça m'intéresse. Gérard Mousasi, bon, c'est Jégard. Jégard. Mousasi devrait faire partie de la carte également. Et Christian Santos va mettre son titre en jeu, probablement le titre des 145 livres chez les femmes. Alors, ça peut être très intéressant que cette carte-là, que le Strike Force va nous proposer le 7 novembre prochain. Oui, peut-être juste mentionner bien vite que Josh Thompson, le champion poids léger de Strike Force, s'est recassé la jambe, fracturé la jambe pour une seconde fois cette année. C'est une fracture mineure, mais ça va l'empêcher d'être de ce gala-là. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il aurait affronté finalement Gilbert Melendez, le champion intérim qui s'entraîne chez Caesar Gracie avec les frères Diaz et Jake Shields. Mais malheureusement, ce combat-là risque de pas arriver avant décembre. Et ça, c'est si Thompson est de retour pour ça, là, s'il a fait sa réhabilitation. Ça doit faire deux, trois combats là, pour lui qu'on doit reporter parce qu'il est tout le temps. Parce que je pense que c'est tout le temps à peu près la même blessure, là, mais la pauvre Thompson qui a reporté son titre, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de le mettre en jeu souvent. Là. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait défendu une fois. Non, il me semble qu'il l'a pas défendu, moi non plus. Quand je pense vite de même, son dernier combat, c'était contre Melendez en avril 2008, il me semble, ou de quoi de même. Alors, ben c'est un combat qu'on attend avec impatience, là. À un moment donné, Josh va être rétabli, puis on aura le droit à une revanche qui va être excitante entre ces deux combattants-là, j'en suis persuadé. Puis du côté de Shields face à Miller, moi, ça m'intéresse. Shields, évidemment, très dangereux au sol, mais debout, je pense qu'il est assez limité. Puis Jason Miller, c'est un combattant polyvalent, Puis au sol, il est difficile à soumettre. Il a combattu quand même des gars très bons au sol. Je pense à Ronaldo, Jacaré, Souza. Et Meller a tenu bon face à ce genre de combattant-là. Et moi, j'ai l'impression que Ronaldo Souza est encore meilleur que Jake Shields. Alors, voyons voir ce que Meller va pouvoir faire face à Shields. Ça sera pas facile pour Jake, je pense. Moi, ce que j'aime pas pour Jake dans ce combat-là, c'est que Jake, c'est un 170 livres. Pour de vrai, c'est pas un 185 livres. Mais Oui. Mais d'un. Meller aussi, dans le fond, là. Ouais, Miller aussi, il se bat. Ok, je pensais que Ben, Miller, c'était. rappelle-toi, ben, Meller, je pense peut-être maintenant il fait le combat plus à Ouais. 185, mais rappelle-toi Ouais, c'est vrai, ton contre combat face Saint-Pierre. à Georges St-Pierre, là, ça avait été une belle performance de Meller quand même face à Georges. Il avait mangé une bonne raclée, mais avait tenu la limite. Mais Meller, c'est pas le gars avec la plus grosse des corpulences, mais le strike force, c'est ça, hein, tu l'as peut-être mentionné un peu tantôt. Oui, il y a plus de profondeur, mais pas assez. C'est pour ça qu'il y a des combattants qui se battent pas nécessairement à leur poids, doivent combattre à un poids un peu plus élevé pour rendre l'organisation un peu plus intéressante. Oui, exactement. Mais moi, j'aime beaucoup Jake Shields pour ça. Moi, je l'ai dit souvent, je suis un fan de l'équipe de Caesar Gracie, que ce soit des Diaz, Melendez ou Jake Shields. Et Jake Shields, dans son dernier combat contre Robbie Lawler, tu parlais de son stand-up. C'est sûr que ça n'avait pas l'air très beau à voir, mais il y avait un plan intelligent. Si on regarde, si vous retournez regarder le combat contre Robbie Lawler, Lawler n'a pas frappé aucune fois Jake Shields. Et Jake Shields gardait ses distances, envoyait des coups de pied, envoyait des coups de poing, reculait. Puis à un moment donné, il a pogné Lawler dans une erreur. C'est sûr que Jason Miller, je dirais au sol, est supérieur que Robbie Lawler. Mais selon moi, Jake Shields est vraiment dans une classe là. Je considère Jake Shields vraiment dans les élites de Jiu-Jitsu. Je dirais chez Caesar Gracie, c'est peut-être le plus fort là, dans les combattants de MMA qu'on connaît. Oui, puis ça, on va vous en reparler, ça c'est évident de cet événement-là. On va faire la carte à tout en profondeur la semaine précédente, le 7 novembre, puis on va vous inviter également peut-être à jouer avec nous et à y aller de prédictions. Et puis là, bon, déjà, on sent que Frédéric penche du côté de Shields et on va prendre nos décisions avant la fin de semaine du 7 novembre. Puis on va s'amuser avec ça. Dans chacun des gros galas, là, on va y aller dans nos prédictions pour pouvoir inviter nos auditeurs à y aller de leurs prédictions. Puis on va s'amuser, je pense, de semaine en semaine avec ce petit jeu-là. Par la suite, un autre événement, c'est le Sengoku. Ça avait lieu au Japon. Évidemment, comme tous les événements du Sengoku, ou à peu près. En tout cas, c'est une organisation japonaise, ça c'est bien certain. Ça a eu lieu le 23 septembre passé. Et allons-y avec les résultats. Certains d'entre eux peuvent vous intéresser. Il y a des combattants qu'on connaît bien. Pour d'autres, un petit peu moins bien. Alors, je vais aller un peu plus vite pour certains des combats. Rappelons que Maximo Blanco affrontait Tetsuya Yamada. C'est une victoire de Blanco qui l'a remporté par TKO au deuxième engagement. Par la suite, dans la catégorie des 185 livres, le Canadien très expérimenté Joe Dartson affrontait Takenori Sato et le Canadien est allé chercher une belle victoire pour lui. C'est une 43e victoire. Il a défait Sato par KO et cela au deuxième engagement. Par la suite, combat dans les 170 livres. Nick Thompson, un autre bon vieux vétéran qui a plus d'une quarantaine de combats à son actif. Il affrontait Dan Hornbuckle. Et Hornbuckle est sur une excellente lancée. C'est une quatrième victoire consécutive pour lui puisqu'il a réussi à vaincre Thompson par TKO au deuxième engagement. Et de belle manière, encore une fois, pour Hornbuckle, qui, rappelons-le, avant ça, là, est allé chercher, je pense, deux KO dans l'organisation de Sengoku, dont un face à Akira Gono. Si je me rappelle bien, même c'était dans la même soirée. Ça, c'était dans le tournoi des 170 livres du Sengoku. Alors, Hornbuckle, qui va continuer sa route, ça va très bien pour lui. Une belle victoire, et c'est un jeune combattant. Je pense prometteur. Maintenant, sa fiche est à 19 victoires et 2 défaites. Alors, on va surveiller le jeune Américain. Oui, Hornbuckle a été impressionnant. Le premier round a été relativement serré. Les deux se sont échangés des bons coups. Mais j'ai été plus impressionné par la technique de Hornbuckle. Thompson avait de l'air. C'est un bon vétéran à regarder, là, mais je considère pas que c'est vraiment un très, très bon combattant. Hornbuckle, lui, continue, comme tu dis, sur sa séquence. Et il avait fait un très beau KO contre Gono suite à un coup de pied. Et cette semaine, on l'a vu encore finir avec un KO, mais ce coup-ci, c'était avec ses coups de poing. Puis une fois son opposant au sol, il a fini avec ses poings. Alors, c'était un très beau KO pour Hornbuckle qui compte sur une belle lancée. Et par la suite, dans les 205 livres, Ryo Kawamura affrontait Fabio Silva. Et c'est ce dernier qui l'a remporté à la 4 minutes 27 du premier engagement par TKO. Kazunori Yokota, tant qu'à lui, a réussi à vaincre Ryan Schultz. Schultz, qu'on connaît un bien, puisqu'on l'a vu dans la IFL, défunte organisation. Il avait affronté Chris Ohradeki, je crois, à deux reprises. Eh bien, Schultz a été défait. Victoire du Japonais à 2 minutes 31 du premier engagement. Makoto Takemoto, un judoka expérimenté qui a participé aux Olympiques, affrontait Jason Lee. Et Takemoto l'a emporté à la terme du combat, par contre, à la fin du troisième engagement, après trois engagements plutôt, par décision. Et maintenant, dans un combat qu'on attendait un peu plus particulièrement, parce qu'on le connaît un peu mieux ici, Antonio Silva, alors le gros Brésilien, là, un poids lourd qui affrontait Jim York, un Australien, si je ne me trompe pas. Jim York, ce n'est pas nécessairement le combattant le plus prolifique de l'histoire du MMA, mais quand même, hein, il y a une fiche de 10 et 2, c'est un gros garçon. Et Antonio Silva, je pense, sans surprise, a remporté le combat par étranglement à l'aide des bras à 3 minutes 51 du premier engagement. Oui, ben, la semaine passée, on parlait d'Antonio Silva, puis je te disais qu'il y avait des bonnes chances que sa suspension elle, soit remise une fois qu'il reviendrait en Amérique. Finalement, cette semaine, il y a eu des histoires à cet effet, puis j'ai compris un peu plus l'histoire. Sa suspension, elle finissait le 26 juillet, et si la commission voulait lui rajouter une suspension supplémentaire, il y avait 30 jours. Alors, vu qu'ils n'ont pas rajouté rien de supplémentaire, Silva serait libre de revenir en Amérique, finalement. Ah, alors à suivre, peut-être un autre candidat intéressant pour le Strike Force et un adversaire potentiel à Fedor un peu plus tard, qui sait, parce que Fred, tu l'as dit tantôt, dans les poids lourds, dans le Strike Force, on n'est pas certain, on a deux, trois noms en tête, mais après ça s'arrête là. Eh bien, voilà un autre qui pourrait s'ajouter à cette liste-là et rendre le son un peu plus intéressant. Oui, moi je pense que Silva peut être un poids lourd intéressant tout court mondialement parce que il pesait 267 livres pour ce combat-là. Il a un excellent, excellent jiu-jitsu. Son stand-up, OK, c'est peut-être pas encore au top, mais je veux dire, Brock Lesnar non plus, son stand-up, c'est pas au top. Alors moi, je pense que Silva, c'est un bon jeune qu'il faut garder un œil dessus. C'est sûr qu'il y a eu les scandales entourant les stéroïdes, mais moi, personnellement, les stéroïdes, j'ai mes opinions là-dessus. Je pense qu'il n'est pas le seul qui en prend. Alors, comme je dis, il faut garder un œil sur Silva. Il est gros, il est fort, un excellent jiu-jitsu et il pourrait être une force dans les poids lourds. Ouh, alors, on poursuit avec le dernier combat que je vais vous mentionner parce que les autres, là, je pense, on s'en fout pas mal. Hiroshi Izumi, un Olympien, c'était son combat d'entrée en MMA, son premier combat. Il affrontait Hans Nansen. Et malheureusement, le Japonais a perdu le combat par KO. Au premier engagement, c'est Nansen qui l'emporte à 2 minutes 56 du premier round. Alors, est-ce que Hiroshi Izumi va pouvoir se remettre de ça et revenir en MMA ou déjà a compris que c'était peut-être pas sa place? On verra. Il y a du travail à faire du côté du Japonais qui en était, je vous rappelle, à son premier combat et qui avait remporté une médaille d'argent dans les moins de 90 kilos aux Jeux d'Athènes, les Jeux olympiques de 2004. Oui, mais pour les amateurs, je conseille à tout le monde d'aller voir ce combat-là parce que c'était vraiment un très beau combat. Ça a juste duré 3 minutes 51. Je vous mentirai pas, techniquement, c'était peut-être pas le plus beau combat à voir, mais pour 3 minutes 51, les deux se sont échangés coup pour coup jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe. Alors, Oui, c'est c'est vrai. surprenant hein, que le japonais. Oui, c'était excitant à voir, là. C'était pas la Comme plus un belle petit technique, là. Ça avait l'air de Don Fry contre je sais plus trop qui il y a une couple Ah, d'années, là. le japonais Hulk Hogan, là. Ouais, c'est ça. Japonais blond. Ah, oui, ça c'était bizarre comme combat. D'après moi, c'est arrangé, là, mais. Ouais, ça se peut bien. Mais c'était assez excitant à voir celui-là, là, de Izumi et Nansen, l'Australien. Je pense que c'est un Australien, Nansen? Nansen, j'en ai aucune Non, c'est idée. ça. En tout cas, c'était excellent à voir. Les amateurs devraient aller chercher sur YouTube ce combat-là parce qu'il y avait beaucoup d'action. Oui, et moi j'ai la difficulté à comprendre pourquoi Izumi a pas tenté d'amener le combat tout de suite au sol, là. C'est un judoka, c'est fort qu'on comprendra, c'était pas debout, mais il est allé pour la guerre et malheureusement, ben ça lui a pas porté fruit. Alors, défaite pour lui. Oh, Art of War. Ça, c'était leur 14e édition et je vous ferai pas part des résultats, mais peut-être seulement d'un combat en particulier, puisque un Gracie de la famille prestigieuse Gracie est en action. Rolls de son prénom. Alors, il affrontait Peter Graham, un habitué des combats en kickboxing surtout. C'est un Australien, 34 ans. Il a deux combats en MMA. Ils avaient tous perdu par soumission, dont un face au Français Moïse Rambon, et l'autre face au Japonais Kazuyuki Fujita. Et cette fois-ci, bien, je pense que la tendance s'est maintenue et Graham a encore une fois été soumis par Rose Gracie, qui lui aussi avait deux combats à son actif et il avait remporté les deux par étranglement arrière. Et cette fois-ci, Rose Gracie s'est payé une petite douceur, puisque non, on n'est pas allé avec un étranglement arrière, mais on a varié ça par étranglement triangulaire à l'aide des bras. Au premier engagement, Peter Graham y a goûté et Gracie monte sa fiche à 3 victoires, aucune défaite et 3 soumissions. Et pour le reste de la carte, il y a un autre nom que vous connaissez peut-être, c'est Tadjiro Matsui, qu'on a vu souvent dans le Pride, prestigieuse organisation, maintenant, bon, malheureusement, défunte organisation. Matsui, on l'a vu souvent dans le Pride, c'est un partenaire d'entraînement de Kazushi Sakuraba depuis belle lurette, et il a été défait par Daniel Madrid, malheureusement. Matsui qui a une fiche maintenant de 10 victoires, 18 défaites et 4 combats nuls. Bon, c'est pas une fiche prestigieuse, mais quand même, d'habitude, il a toujours affaire, en tout cas dans les années précédentes, des combats chaudement disputés, puis un gars qui avait un gros cœur, mais malheureusement pour lui, il subit une autre défaite. Alors, dans son cas, peut-être que ça va mettre un terme à sa carrière. Il a 36 ans maintenant et un peu comme Sakuraba, peut-être que ces gars-là auraient intérêt à se retirer de la compétition et peut-être seulement à demeurer dans le sport pour la relève parce que moi je suis convaincu que Sakuraba, ça doit être le genre de gars à pouvoir aider des jeunes prospects à pouvoir s'épanouir en tant que combattant. Ah, oh, Sakuraba, ça ramène des beaux souvenirs. Moi, vu que tu parles de lui, je vais juste changer un peu la discussion. Puis je vais dire, il y a quelque chose que j'aimerais que le MMA rajoute, c'est un Hall of Fame mondial. Parce que le Hall of Fame UFC, c'est bien beau, là, mais des gars comme Sakuraba, justement, là, ça devrait être dans le Hall of Fame. Alors, il serait temps qu'il y ait une organisation similaire au baseball ou de quoi de même, que c'est les journalistes ou de quoi qui font des votes pour avoir un Hall of Fame mondial et pas juste UFC, parce que le MMA c'est mondial, c'est pas juste le UFC. Oh, bonne idée, garçon. Hey, je t'approuve à 100%. Puis pourquoi pas? On pourrait s'amuser là. Parfois, on a des semaines un peu plus tranquilles où il y a moins de sujets. Qu'est-ce que tu dirais? On pourrait peut-être essayer de faire ça. Pas nécessairement un temple de la renommée. En tout cas, on donnera le nom que ça voudra, mais essayer d'aller chercher une liste là, de combattant qui a marqué l'histoire du MMA, peut-être demander de l'aide de nos auditeurs là, dans les prochaines semaines, on pourrait se faire ça, puis parler de combattants. Là, tu parles, il y a Mirko Crocop qu'on a parlé dans les dernières semaines, il y a d'autres combattants légendaires. Bon, peut-être que certains t'ont oublié, qu'on ne devrait pas oublier, comme Sakuraba, moi, ça a été l'un de mes préférés. Alors, on pourrait peut-être se donner ce petit défi-là et dans quelques semaines, lorsqu'on aura une émission moins chargée dans les gros événements, puis avec l'aide de nos auditeurs, bien peut-être se faire un petit temple de la renommée bien à nous, là, de manière très humble. Oui, ça pourrait être une activité très le fun. Oui, alors aujourd'hui, on va vous parler des prospects un peu plus tard dans l'émission et éventuellement, là, on vous invite à mentionner peut-être les combattants qui devraient faire partie d'un temple renommé du MMA. Alors, quelques résultats dans d'autres événements qu'on a pris ici et là. Il y a la DCC, qui est un gros événement de grappling qui revient à chaque 2 ans. Eh bien, hier, samedi le 26 septembre, s'entamait la compétition et ça va se terminer aujourd'hui. Alors, on a les résultats de la journée d'hier, c'est intéressant. Puis la semaine prochaine, on va y aller en vous mentionnant ceux qui ont remporté dans chacune des divisions de poids. et de catégories différentes. Rappelons qu'il y a quand même plusieurs combattants que vous connaissez bien parce que et ce sont des illustres combattants en MMA. Mentionnons Fabricio Werdum a remporté son combat d'ouverture en premier round face à un Espagnol. Il a remporté son combat par Kimura. Solo Ribeiro également était là. Ça, c'est le frère de Xander Ribeiro. Alors, c'est des combattants de Jiu-Jitsu brésilien. Là, c'est les frères Ribeiro qui sont très forts. Ça, c'est dans la catégorie des plus de 218 livres. Alors, Ribeiro a remporté son combat également par points. Jeff Monson, l'Américain, qui est là depuis longtemps là, dans le circuit du MMA, qui fait très bien. Malheureusement, dernièrement, a subi la défaite face au Brésilien Pedro Rizzo. Mais quand même, c'est toujours un gars dangereux. Il n'est pas très grand, là, il doit faire autour de 5 pieds 11, je pense, mais un gros gaillard, bien fort. Il a remporté son premier combat également face à un Polonais. Ça, c'est dans les poids lourds. Il y avait Tom Erickson. Et là, j'ai pas vérifié si c'est bien le même Tom Erickson que j'avais déjà vu là au Pride. C'est un Américain, un grand format et un ancien lutteur. Je pense même olympique, si je me trompe pas. Il doit être rendu à 40 ans et plus, le Tom Erickson. En tout cas, si c'est lui, il a perdu son combat d'entrée dans l'ADCC. Il y avait un Canadien également dans les poids lourds qui était là, que je ne connais pas, Mike Mattel, qui a perdu également par clé de bras face à un Américain du nom de Asa Fuller. Oui, l'ADCC offre toujours des beaux tournois. J'ai pas eu la chance de regarder beaucoup des combats. J'ai vu un flying armbar de Vinny Malgaès que Oui. je conseille à tout le monde d'aller voir sur YouTube. Là, c'était très beau à voir. Mais j'ai pas eu la chance, malheureusement, de voir tous les combats encore, moi. Oui, ça, c'était tous les combats que j'ai mentionnés, c'était dans les 218 livres et plus. Dans les moins de 218 livres, il y a le frère de Solo Ribeiro qui était là, Xander Ribeiro. Bon, Alexandre Ribeiro, en fait, qui a remporté son combat également, son combat d'entrée. Vinicius Magalhães, comme Fred le mentionne, était là, puis il a remporté son premier combat également par clé de jambe, mais il y aura un deuxième combat où il aura fait clé de bras là, à la volée, on discutera tantôt. Dean Lister, l'Américain, a également remporté son combat de première ronde par étranglement triangulaire. Il y a Rico Rodriguez, alors un autre vieux vétéran américain qui était là et qui a perdu son premier combat. Rappelons-le, Rico Rodriguez, je pense, dans les premières éditions de la DCC, a terminé premier ou deuxième, à l'époque où c'était pas nécessairement le Jiu-Jitsu brésilien qui était le plus efficace. Ou était peut-être le plus efficace, mais régnait pas au point où il règne maintenant. Et Rico Rodriguez et Marker à l'époque faisaient très très bien, mais malheureusement Rodriguez a perdu son combat. Dans les moins de 194 livres, il y a un nom qu'on connaît peut-être très bien, il y a Jorge Santiago qui a perdu, malheureusement pour lui. Dans les 170 livres et moins, il y a Marcelo Garcia, qui est peut-être le meilleur, là, livre pour livre au monde. Il a gagné, je crois, les trois dernières éditions dans sa catégorie de poids à la DCC. Et là, il commence en feu. Son premier combat, il affrontait Rodney Hillis. Il l'a remporté par guillotine. Alors, Marcelo, toujours très efficace. Cron Gracie, et j'ai pas pu vérifier, mais je sais que le fils d'Elio Gracie s'appelle Cron Gracie. Alors, je ne sais pas si c'est son fils, mais il a remporté son premier combat, en tous les cas, Cron Gracie. Ben Askren, un Américain, un lutteur, qui a remporté son premier combat également, à 170 livres. Et Askren, qui est un combattant de MMA également, je pense qu'il a trois combats, trois victoires jusqu'à maintenant dans sa carrière. Dans les 145 livres, Rani Yahia, un combattant, je pense qu'on voit dans le WEC, qui fait très bien, je pense, de la mémoire, il doit avoir une quinzaine de victoires puis 14 soumissions là, c'est une fiche qui ressemble à ça, Rani Yahia. Ouais, Alors t'as raison, il a une incroyable. très belle fiche. Ouais, c'est ça. Puis au sol là, c'est un danger. Il a gagné son premier combat également. Et dans le cas de Yahia et des frères Ribeiro, ils font partie de l'école, l'université du Jiu-Jitsu à San Diego. Alors, c'est une école très. Ça va très bien dans leur cas, là. Parmi les meilleurs combattants au sol s'y retrouvent. Je pense que Diego Sanchez s'entraîne là également maintenant. Alors, il y a Jeff Curran également des États-Unis qui se bat pour la WEC également à l'heure actuelle, qui fait très bien en MMA. C'est un bon combattant, rien nécessairement pour de prodigieux, mais un bon combattant. Mais il a perdu son premier combat, malheureusement pour lui. Et chez les femmes, je vais vous mentionner que Christiane Santos, Oui, la Brésilienne qui vient de battre Gina Carano est là et elle a remporté son premier combat également dans son cas. Et finalement, il y a une Japonaise, Megumi Fuji, qui est une combattante de MMA également, qui n'a jamais été défaite en MMA. Qui doit avoir qui a une fiche quand même assez étonnante, qui est peut-être la meilleure femme livre pour livre au monde, mais elle est plus. Elle fait pas le poids face à Christian Santos, là, parce que bon, c'est une femme qui atteint pas le poids que Santos peut faire, là, qui doit combattre à 145-150 Santos, alors que Fuji, là, c'est 130 livres et moins assez facilement. Et puis pour les Français, la Française Laurence Cousin, qui malheureusement a été défaite face à la Brésilienne Ana Michelle Dantas. Puis, bon, rapidement, là, parce que ça, c'était les combats de première ronde. Ça s'est poursuivi. Verdum, Solo Ribeiro, Jeff Monson poursuivent leur route. Alors, ils vont combattre à nouveau aujourd'hui en demi-finale dans ce cas-là. Il y a également Roberto Abreu qui va être là également. Dans le cas de Xande Ribeiro et Vinicius Magalhães, eux aussi, oui, eux aussi poursuivent leur route puisqu'ils ont remporté leur combat de deuxième tour. Magalhães, comme Fred l'a dit tout à l'heure, face à une clé de bras à la volée, face à un autre Brésilien, Marcelo Cruz. Oui, c'était beau à voir. Comme je disais, malheureusement, c'est le seul combat que j'ai eu le temps de voir. Hier soir, on préparait l'émission et je regardais le Sengoku et tout. Alors, j'ai regardé vite celui de Malgaez, que je viens de massacrer son nom. Mais c'était beau à voir, là, une belle clé de bras à la volée, là. Et on l'a vu dans l'UFC. Malheureusement, son stand-up était très suspect et il semblait pas vouloir se faire frapper beaucoup, Malgaez. Mais Alors, d'un tu point de viens face vue. à Ryan Bader, je pense, là. Il a eu peur, là. On l'a Ouais, vu. exactement. Mais d'un point de vue de Jiu-Jitsu, là, c'est un excellent, excellent combattant de Jiu-Jitsu. Alors, faut lui donner ça, là. Faut rendre à César ce qu'il a. Oui, mais en MMA, je pense que tu as tout à fait raison. Puis, si je me trompe pas, là, il y a une fiche perdante, là. Ça doit être. J'ai pas sa fiche en tête par cœur, mais ça va être 3 et 5 ou 3 et 7, là. C'est pas une fiche gagnante, Vinicius Magalhães. Alors ça nous Il démontre que ça était à se peut pas. Montréal, il me semble, hein? À l'UFC 97. Non? Oui, il a affronté qui, Je donc? me rappelle plus. Mais ouais, il me semble qu'il était à Montréal. Effectivement, il était, mais je pense qu'il a. Maudit, je me souviens plus, Non, mais je pense parce que que tu c'est viens tout de à fait. dire sa fiche, puis ça m'a fait rappeler justement qu'il était à Montréal. Je me rappelle d'avoir vu cette fiche-là, pas très forte. Ouais, mais quand même, en MMA, c'est un 205 livres. Alors, de réussir là, une clé de bras à la volée, si on voit ça d'habitude, des combattants de 155, 170 livres, 145, mais à 205 livres et plus, réussir une clé de bras à la volée, ça me démontre toute l'agilité. Puis, ben, rappelons également en deuxième tour, évidemment, Marcelo Garcia a remporté son combat et il a défait Crown Gracie. Alors Marcelo, là, c'est vraiment un danger. Puis là, il est parti pour gagner une quatrième édition consécutive dans sa catégorie de poids. On va voir, ça va évidemment, on va voir le dénouement, comment ça va se dérouler dans la journée d'aujourd'hui. Mais là, ça semble bien parti pour lui. Il a reçu une guillotine en position montée dans son combat face à Crown Gracie. Il y a Ben Askren qui a perdu son combat en deuxième tour. Et ben, c'est pas mal ça. Rani Yahia, tant qu'à lui, a remporté son combat de deuxième tour également. Et dans un combat Super Fight, alors un combat où ça n'avait pas d'influence dans le tournoi, il y avait Ronaldo Souza, combattant qui va combattre dans le Strike Force prochainement. Il affrontait Robert Drysdale, le dernier vainqueur de l'ADCC Open Weight, ben, c'est-à-dire toute catégorie de poids confondue, Drysdale l'avait emporté. Bien là, il a été défait, l'Américain Robert Drysdale, face au Brésilien Ronaldo Jacare Souza. Alors, on va suivre comment ça va se dérouler dans la journée d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura les résultats de tous les gagnants de chacune des catégories de poids différentes. Ça, c'est un événement qui a lieu aux 2 ans, mais qui est combien intéressant. Lequel Georges Saint-Pierre avait prévu prendre part, mais malheureusement, sa blessure dans son combat face à Thiago Alves a sûrement fait en sorte qu'il n'a pas pu y participer. Je crois aussi que Gérard Mousasi, il y a quelques mois, et Fyodor Emelianenko devait faire part, prendre également, mais malheureusement, ben, je vois les résultats, puis il n'y était pas. Et je vais conclure ce bloc résultats-là avec les résultats du K1, un événement qui s'est déroulé le 26 septembre. Alors, hier soir, c'était en Corée et c'était, je pense, la dernière touche finale pour être qualifié pour le gros tournoi qui aura lieu le 5 décembre prochain au Japon. Le gros tournoi que tout le monde attend toujours avec impatience, le K1 World Grand Prix. Qui cette année aura lieu le 5 décembre. Alors ça, c'est toujours à suivre. Les 8 meilleurs combattants debout qui s'opposent et qui s'offrent à des guerres dans un tournoi. Puis pour remporter, il faut gagner 3 combats. Alors ce sera intéressant. Alors qui vont être là? Il y a Badr Hari qui sera, puisque hier il a remporté son combat face à Zabit Samedov. Assez rapidement, au premier engagement, il y a une bonne droite qui a frappé au corps et Zamedov a été d'une seule droite au corps et n'a pas été capable de poursuivre le combat. Alors, Badr Hari, qui l'année passée, vous en souviendrez, avait fait la finale. Il avait été disqualifié dans son combat face au jeune Rémi Bojarski. Alors, Hari qui a plein de talent, mais bon, l'année passée, il avait peut-être démontré un problème au niveau de son attitude, mais c'est toujours un danger. Il pourrait très bien, cette fois-ci, cette année, avec un peu plus de maturité, remporter ce K1 World Grand Prix. En tous les cas, ce qui est certain pour lui, c'est qu'il va y prendre part. Peter Hurt, dans son cas, le Hollandais qui a remporté le tournoi à 3 reprises. Bon, il est très vieux, là, mais là, il a affronté Alistair Overeem, mais c'est Overeem qui l'emporte. Ça peut être un peu surprenant parce qu'Overeem, c'est un excellent combattant en MMA, un bon combattant debout en MMA, mais de là à être un bon combattant debout en MMA et de l'être également en K1, c'est deux choses différentes. Et bien là, Overeem est allé chercher une décision unanime. Alors, il va prendre part lui aussi au tournoi du 5 décembre. Alors, on ne le verra pas dans le Strike Force prochainement, mais en 2010, il aimerait très bien affronter Fedor Emelianenko. Oui, il serait intéressant de suivre pour Overeem aussi parce que Dream, la promotion japonaise, a 2 galas au mois d'octobre. Elle a un galop le 6 octobre et l'autre le 25 octobre. Et pour celui du 25 octobre, Overeem faisait partie des combattants qu'on retrouvait dans les annonces qui faisaient passer sur YouTube. Or, je pense pas qu'Overeem va pouvoir participer le 25 octobre dans un combat MMA parce que j'imagine que pour lui, en ce moment, sa priorité va être le tournoi K1 qui est très prestigieux quand même. Alors, il va sûrement se concentrer là-dessus. Oui, bon, ça serait comprenable. Le Français Jérôme Le Banner, c'est un gars qui gère pas, qui économise pas dans un combat. Il va à la guerre, Jérôme Le Banner, toujours de manière spectaculaire. Puis même avec l'âge, là, il a pas l'air à se tranquilliser. C'est un gars qui échange coup pour coup. Puis encore une fois, même s'il est rendu à un âge quand même assez avancé, puis qu'il a livré tellement de guerres au cours de sa carrière, bien encore une fois, il va prendre part de cette finale-là, puisqu'il a remporté son combat face au Japonais. Et lui aussi, c'est un vieux de la vieille, le Musashi, une victoire par décision unanime pour le Français. Sammy Shield, tant qu'à lui, un autre qui a gagné ce tournoi-là à quelques reprises, a remporté un combat face à Daniel Guita. Puis honnêtement, le Guita, moi, ça me dit rien. J'ai aucune idée qui c'est. J'ai vu une partie du combat et Guita a quand même réussi à sacrer un roundhouse kick en pleine face de Sammy Shield. Là, c'est pas chose facile puisque Shield mesure 6 pieds 11. Alors Guita a réussi à le frapper au visage avec sa jambe, mais ça n'a pas porté fruit là plus que ça puisque Shield a quand même remporté la décision. Le Brésilien Edwardton Teixeira était là et puis a remporté son combat. Ça a été difficile, on a dû faire des extra rounds parce que c'était fort partagé, mais il a remporté son combat en fin de compte. Ruslan Karaev va avancer également puisqu'il a remporté son combat face à Kyoto Toro, que je connais pas non plus. Errol Zimmerman, un autre jeune prospect qui fait très bien, mais a remporté un combat face à un autre Brésilien, un vétéran, Glauber Feitosa, que j'aime bien. J'ai toujours aimé le roundhouse kick, un style particulier de Feitosa. Mais malheureusement pour lui, il a été défait par un combattant peut-être un peu plus jeune et affamé que lui. Et finalement, Rémi Bandjalski, le champion de l'année précédente, et il l'a remporté à 2 autres reprises également, je crois, Bandjalski. Bien, il a remporté un combat face à un combattant de MMA qui s'aventure des fois en combat K1, Melvin Manoff. Et bien, malheureusement, c'est Bandjalski qui a eu l'avantage et qui a remporté le combat par décision unanime. Et ça nous donne que le 5 décembre, le tournoi va opposer comme les combats de premier tour, Ruslan Karaev face à Badr Hari, va s'en suivre Alistair Overeem face à Edwerton Texera. Jérôme Le Banner, tant qu'à lui, encore une fois, ne l'aura pas facile, devrait être opposé à l'Hollandais, géant de 6 pieds 11, Sam Schild. Et Le Banner, c'est peut-être sa dernière occasion pour aller remporter ce gros tournoi-là. Peut-être que ça couronnerait sa carrière de très belle façon. Et Errol Zimmerman, tant qu'à lui, va affronter Rémi Bandjowski. On va suivre ça au mois de décembre. Pour l'instant, ça conclut ce bloc-là avec tous les résultats qu'on avait à vous transmettre. Oui, juste avant d'aller à la pause, peut-être mentionner que Czech Congo a un séminaire. Il se promène un peu partout en France et je voulais mentionner ça. Il fait des cours, des stages pour les amateurs entre du 26 septembre au 18 octobre dans différentes villes de la France. Alors, vous avez juste à aller au www.team-congo.com. Et vous avez toute l'information là-bas pour les stages de Czech Congo. Oui, et puis la semaine passée, on a pris l'habitude de partir en pause des fois pour reprendre notre souffle. Et c'est bizarre, ce matin, j'ai comme le souffle court. Alors, un petit coup de pompe et une petite musique douce. La semaine passée, j'ai trouvé que notre musique d'ouverture, là, ça frappait, j'ai bien aimé ça. Les autres pièces musicales me font rire quand même. Une musique étrange, mais quand même qui sera, on l'espère, vous divertir. De retour dans quelques instants. Fred, l'homme nouvelle qui se passionne par la UFC, et c'est de ça qu'on va vous parler dans les prochains instants. On a plein de choses à vous dire. Il se passe tout le temps des choses avec la UFC, qui est un univers complètement différent. Il y a des gens bizarres qui tournent autour du UFC. Il se passe des choses bien intéressantes. Mais peut-être un petit retour sur le UFC 103. Il y a Mirko Crocop qui a été défait face à la recrue et prometteuse, je dirais, Junior Dos Santos. Et Crocop, ça fait déjà 2 3 semaines qu'on s'en parle ici dans l'émission. On a quelques auditeurs qui nous ont écrit parce qu'ils affectionnent particulièrement Crocop et on n'a rien contre ça. Mais dans le cas de Crocop, qu'est-ce qui se passe, Fred, dans la tête à Crocop? Ben, pour commencer, suite à l'UFC 103, je vais juste mentionner que Crocop est suspendu médicalement pour une période de temps indéterminée suite à la blessure qu'il a reçue à l'œil. Alors, va falloir que Crocop aille voir un médecin et se fasse reçoive une clairance d'un médecin pour pouvoir recombattre. Pour ce qui est de son futur, Crocop semble dans une situation où il doit réfléchir à ce qu'il veut faire. Après son combat, il y a eu beaucoup de déclarations qui disaient qui semblait pointer vers un gars qui allait prendre sa retraite. Et avec quelques heures plus tard, une fois rendu dans son pays, en Croatie, il est revenu un peu sur ses mots en disant qu'il voulait peut-être finir son contrat. Alors, il va falloir suivre ça. Moi, ce qui m'est venu à la tête quand j'ai lu tout ça, c'est savoir si Dana White va vraiment être intéressé d'avoir un gars qui est à moitié motivé pour continuer. Parce que faut prendre en considération toute l'histoire entre les deux, si on veut. Crocop a pris beaucoup d'argent de Dana White sur son premier contrat, puis il n'a pas performé beaucoup. Et son deuxième contrat, faut se rappeler que les négociations ont été un peu bizarres avec Crocop qui est venu pour un combat en Allemagne, puis après ça, il est allé, si on veut, tirer un peu les ficelles là, en allant chercher les négociations avec au Japon avec Dream pour essayer d'aller chercher un peu plus d'argent, sûrement avec l'UFC. Finalement, il avait signé avec l'UFC, mais on connaît Dana White. Alors, toutes ces situations-là me fait pointer que on va peut-être revoir Crocop pour un autre combat, mais s'il y a une autre performance comme il y a eu contre Junior Dos Santos, ça m'étonnerait beaucoup que l'UFC le laisse finir jusqu'au sont les deux combats qui lui restent. Il risque de se faire renvoyer avant ça, d'après moi. Oui, puis si je me souviens pas, dans toutes les démêlées là, qu'il y a eu à propos de son contrat, il y a l'un des frères Ferdita qui avait dû s'en mêler, puis même aller voir le Croate lui-même, si je me trompe pas, en Croatie, pour régler le problème. Oui, exactement. Il y avait eu beaucoup de controverses, là, si on veut. Crocop, tout de suite après l'UFC 99, avait signifié, ou quelqu'un de l'entourage de Crocop avait signifié à White que ce dernier, que Crocop allait aller signer avec Dream. Puis White, en conférence de presse d'après-combat, s'était tout de suite mis à parler de ça. Peut-être un peu trop vite, parce que finalement, Crocop avait rien signé. Mais c'est une situation comme qu'on connaît Dana White. Il n'a pas peur d'aller à la guerre. Alors, il doit se rappeler de toutes ces histoires-là dans sa tête. Ouais, alors voyons voir ce qui va arriver avec Crocop. La retraite, pour moi, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour lui. Il a fait des belles choses et c'est le genre de sport qu'on peut plus pratiquer lorsqu'on n'a pas vraiment, lorsqu'on n'a plus le feu là, puis on n'est pas affamé. C'est un sport qui peut devenir dangereux même pour son intégrité physique. Alors le Croate, s'il revient, ben j'espère que c'est parce il va vouloir revenir, mais en force, là, encore une fois, son dernier combat, il me semble qu'il était pas dedans. C'est un gars qui a des aptitudes, mais en même temps, je suis pas convaincu qu'il a assez d'outils pour pouvoir affronter les meilleurs du UFC. Moi, je vais faire une prédiction. Je vais dire que Crocop va recombattre, mais ça va être au Japon, selon moi. C'est un japonais masqué, puis il va y sacrer une volée, c'est ça? Exactement. On va voir peut-être une couple de mois où il va avoir des chicanes. Puis à un moment donné, l'UFC va juste le libérer de son contrat, d'après moi. Peut-être qu'il va avoir un autre combat, comme je disais avant, dans l'UFC, mais avoir son attitude mentale, puis c'est pas pour le dénigrer du tout, parce que Crocop a fait des guerres et des guerres. J'ai juste l'impression qu'il est peut-être pas là mentalement à se donner à 100%. Et Dana White, lui, c'est pas le genre de combattant non plus qu'il va rechercher. Alors, je vois que, selon moi, son prochain combat va être au Japon, où justement, on va pouvoir lui donner des match-ups plus à spectacle, si on veut, des match-ups qui vont être appropriés à lui. Oui, de son côté, Frank Ring, lui, a également perdu lors de ce UFC 103-là face à Josh Koscheck. Après l'événement, on s'est dit on a entendu dire que Dana White avait peut-être plus de projets pour Triggs. Et à ce moment-là, Triggs lui-même a dévoilé que s'il avait plus sa place dans le UFC, il voulait prendre de sa retraite. Mais il y a eu un chambardement dans cette histoire-là également. Et le UFC serait prêt à lui donner un autre combat. Mais Trigg, qu'est-ce qui va devenir de son cas, Trigg, pour toi, Fred? Est-ce que tu vois vraiment un adversaire peut-être même potentiel à lui? Qu'est-ce que tu vois dans son futur? Ah, ben d'après moi, Frank Trigg va finir son contrat avec l'UFC. S'il reste juste un combat en plus, si on veut, il y a un certain attrait marketing. Puis ils vont peut-être convaincre Matt Hughes de l'affronter une troisième fois. Ou Frank Trigg, vu qu'il est américain, vu qu'il parle bien, il sait vendre un combat. C'est sûr que ça sera pas un gros combat, ça sera pas une demi-finale, mais ça pourrait être un combat intéressant, genre dans un Ultimate Fight Night ou de quoi. Alors moi, je pense qu'on va le revoir. Trigg est en forme et il commence à être vieux, mais je veux dire, il est pas non plus. Il est capable encore de continuer à se battre. Alors, je suis à peu près sûr qu'on va le revoir finir son contrat dans l'UFC. Maintenant, il y a depuis quelques temps, depuis que le sport du MMA prend de plus en plus d'ampleur dans le milieu américain, le milieu du showbiz en l'occurrence, mais il y a quelques combattants qui sont tentés par le cinéma. Et là, on aurait peut-être perdu un des combattants les plus respectables au niveau de sa fiche et de comment va sa carrière professionnelle en ce moment, Quinton Jackson. On pourrait avoir vu son dernier combat. Est-ce que tu crois ça possible, Fred? Ouais, ben peut-être qu'on va avoir vu le dernier combat de Quentin, mais non, je pense pas pour de vrai que ça soit son dernier combat. Rampage est un gars un peu bizarre. Il est très émotionnel. Alors, je pense que le fait que Dana White a parlé beaucoup devant les journalistes, il a mentionné des questions d'argent, il a parlé beaucoup de questions personnelles qui concernaient Quentin Jackson, puis Quentin est une genre de personne qui a dû prendre ça comme une attaque. Alors, sur le coup, il a écrit sur son site web qu'il pensait prendre sa retraite, qu'il prenait sa retraite. Et en plus de ça, il a même écrit un second texte pour confirmer, si on veut, le tout. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, là, c'est que Quentin Rampage Jackson a pas d'entourage qui l'a empêché de publier ce genre de texte-là. Parce que le texte ne le fait pas paraître très, très stable mentalement, je trouve. Puis c'est pas pour être méchant, c'est juste qu'on connaît un peu son histoire de son accident où ce qui avait frappé plusieurs autos. Et là, il écrit un texte où ce que c'est plein d'émotions, puis je respecte tout ce qu'il dit parce qu'il est honnête, je vois de l'honnêteté, tout. Mais je suis en train de me dire qu'il est peut-être pas très, très bien entouré par ses managers, ses gérants et tout. Oui, Quentin est impulsif, puis le gars, il pète des coches pour à peu près n'importe quoi assez rapidement. C'est pas le gars qui prend le temps à peut-être prendre un peu de recul avant de parler ou de prendre des décisions. Et ça ressemble également peut-être un peu à Dana White. Alors, c'est pour ça que tu es allé peut-être un peu rapidement cette semaine. Les deux disent à peu près tout ce qu'ils pensent, puis sans nécessairement réfléchir. Puis, moi, j'ai l'impression que ça va te régler assez rapidement cette histoire-là. Parce que, un, Quentin Jackson, à un moment donné, il va avoir besoin d'argent. Et le cinéma, je pense pas que. Ben, je sais pas si c'est un bon acteur ou pas, là, mais il n'y a pas de la place pour tous les combattants qui se sont dirigés dans les derniers dans la dernière année, peut-être, vers le cinéma, là. J'ai plus l'impression que ce genre de film d'action-là est aussi populaire que ça l'a peut-être déjà été dans le passé, là. Alors, à un moment donné, Jackson va avoir besoin d'argent et ben le UFC va être prêt à lui donner un bon contrat pour affronter le combat que tout le monde attend, surtout lorsqu'on va avoir vu tout le déroulement de la télé réalité The Ultimate Fighter, un affrontement entre Jackson et Rashad Evans. Ouais, ben, comme je disais au début, je suis pas mal sûr qu'on va le revoir, Quentin. Moi, je suis peut-être d'opinion que ça va être un peu plus long. Avant qu'on ait quelque chose d'officiel, ça m'étonnerait pas que ça prenne un bon 2-3 mois, justement que Quentin fasse tout son film. Justement, je lisais ce matin que le filmage commençait ou vient de commencer. Alors, Quentin Jackson est parti pour quelque temps pour filmer son rôle. Et ça m'étonnerait pas que ça prenne 2-3 mois avant qu'on ait une conclusion à cette histoire-là. Et puis, il faut dire aussi sur ton site mmanouvelle.com, 88% des gens qui ont pris part au sondage, mais on va dans le même sens, à peu près ces 88%-là ont l'impression que Jackson va être de retour dans une cage, dans un ring, dans un octogone, en tous les cas, dans un événement de MMA, assis dans un avenir à court ou à moyen terme. Alors, Jackson, il est pas très vieux là. Alors, on va le revoir. Moi aussi, j'en suis persuadé, comme la plupart des gens qui ont participé au sondage. Ouais, Il y a mais d'autres? Oui, mais ah, Fred, vas-y. parce que j'allais dire que c'est ça, vu que Jackson il va être en train de filmer, il y a Rashad Evans qui lui a demandé d'affronter Thiago Silva. Au début, il y avait eu des rumeurs que ça serait un combat, mais après avoir lu tout ce que j'ai lu sur l'histoire, en ce moment, c'est juste Rashad Evans qui a demandé à affronter Thiago Silva, mais ça pourrait être un très bon combat potentiel au lieu de Evans Rampage. C'est sûr que Evans Rampage aurait été bien meilleur, juste par l'aspect commercial du combat. Mais Thiago Silva contre Rashad Evans, ça pourrait donner de quoi de très intéressant aussi. Oui, puis en fait, Fred, j'ai vu, je pense, sur tatami.com que Alves était très intéressé également à un affrontement face à Rashad Evans, parce qu'il faut dire qu'Alves vient de Silva. détruire Thiago Silva. Alves, ouais, Ouais, il y Silva. a tellement, c'est mélangeant. Thiago Silva, Thiago Alves, ça Ouais, finit plus. excuse-moi, mais merci de me remettre à ma place, là. Ben c'est ça, Silva, justement. Vient juste de détruire le partenaire d'entraînement de Rashad Evans, là, Keith Jardine. Alors, Thiago Silva, il faut pas que j'y pense avant de le dire, là. Lui, sur tatami.com, là, c'est mentionné qu'il veut Rashad Evans. Alors, les deux semblent vouloir s'affronter, puis ça peut être intéressant de voir si Silva. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à Rashad Evans? Est-ce qu'il va pouvoir jouer le même tour qu'il a réussi face à Keith Jardine? Oui, ça va être un combat très intéressant parce que moi, je suis pas un. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas le plus grand fan d'Evans. Je sais qu'il est très bon, c'est juste que je ne suis pas si impressionné que ça par sa carte de route. Et aussi, du même côté, je ne suis pas si impressionné que ça de la carte de route de Thiago Silva. Alors, ça va être deux combattants que je reconnais complètement leur talent. Et il y a un des deux qui va monter dans mon esprit, puis l'autre va peut-être prendre une petite descente. Puis on parlait de combattants en MMA qui se tournent vers le cinéma. Il y en a un autre, Kang Lee, moi que j'aimais beaucoup autrefois parce que bon, c'est un champion de Sanshu, qui est une espèce de sport de combat chinois. Kang Lee qui a une fiche, il n'a jamais subi les défaites. En MMA, 16 victoires, aucune défaite, toutes ses victoires par KO. En Sanshu, 17 victoires, aucune défaite également. C'est une machine, puis je pense en K1, il a fait trois combats, si je ne me trompe pas, puis il les a tous remportés. Alors le gars n'a jamais perdu de sa vie. Il était à 37 ans, il était à son apogée, là. Il ne pourra pas être meilleur qu'il l'est là, puis peut-être même qu'il est en. Ça a tout lieu de descendre, là. C'est pas le genre de sport qu'on peut pratiquer à un âge avancé, là. Bon, il y a Randy Couture qui est l'exception. Alors, Kong Lee, qui, au lieu de profiter de ce qu'il pourrait avoir en MMA actuellement, s'est tourné vers le cinéma. Moi, j'espère qu'on va pouvoir le revoir assez rapidement parce que c'est le champion actuel des 185 livres dans le Strike Force. Mais là, il a laissé son titre à Jake Shields parce que, bon. Ben, il l'a complètement Abandonné. vacated, si on veut, là. J'ai pas OK. le mot en français, excusez. Il Laissez-le. est vacant. Et c'est ça, Jake Shields et Jason Miller vont s'affronter pour couronner un nouveau champion à 185 livres. Ah oui. Moi, personnellement, Kong Lee, je suis pas le plus grand amateur. Je vais dire ce que Nick Diaz a dit après son dernier combat quand il a dit que Kong Lee n'était pas un combattant complet, je pense, en MMA. Parce que pour moi, Frank Shamrock aussi était un peu vieux. Alors, c'est pas une victoire très, très impressionnante tant qu'à moi. Mais non, c'est sûr que Kong Lee, ça serait le fun de le voir, mais il a pas de l'air à avoir la tête au MMA. Il est plus dans le monde du cinéma, justement. Ouais, c'est ça, je trouve ça malheureux. Puis effectivement, on n'a pas pu voir son jeu au sol. Mais Kong Lee, rappelez-vous, a jamais été vaincu en MMA, a jamais été vaincu en Sanshu également. C'est un champion incontesté. Le gars, il a vraiment une carrière brillante, puis il a toujours trouvé le moyen de remporter ses combats de belle façon. Debout, c'est une bombe à des jambes, elle peut utiliser sa jambe arrière, sa jambe avant. C'est un des seuls à utiliser des coups de pied de côté avec sa jambe avant. Les belles combinaisons. Bon, avec ses mains, peut-être pas très aussi efficace qu'un bon boxeur, mais quand même, et pas mauvais. Puis je suis sûr, c'est le genre de gars à prendre les choses au sérieux. C'est pour ça qu'il veut pas maintenir les deux carrières en même temps. Et c'est un peu malheureux pour nous, mais j'ai l'impression que s'il fait un retour. Eh bien là, va s'être amélioré au sol également. Il s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Alors, des gars comme Josh Koscheck, Mike Swick, John Fitch. Des gars qui ont une belle liste, qui ont des belles fiches jusqu'à maintenant. Mais là, il est aux côtés du cinéma. Va jouer un rôle dans un film qui s'appelle Taken, qui est un jeu vidéo là, à la base, je pense. Il a un rôle là-dedans. Il a eu un rôle secondaire dans Batman Begins aussi, là. Je l'ai pas vu, là, personnellement. Alors, ben lui, il se tourne vers le cinéma. Malheureusement pour les amateurs de MMA. Puis il y en a d'autres combattants comme ça. Randy Couture également a tourné un film avec Sylvester Stallone là, dans les derniers mois. Qui vont sortir, je pense, en 2010. Et Gina Carano, je pense, elle a peut-être des projets et des ambitions au niveau du cinéma. Oui, Gina, elle a signé pour faire un film qui va s'appeler Knockout, il me semble. Dans le cas de Gina, dans le cas de Kong Lee, je dirais que le monde du cinéma est quasiment plus payant pour eux. Alors, je comprends beaucoup plus leur décision qu'un Quentin Rampage. J'ai pas de doute que Rampage se fait très bien payer pour son rôle dans le cinéma. C'est juste que Rampage aussi se fait très, très bien payer pour combattre. Comme on discutait un peu la semaine passée, quand ils nous disent qu'ils gagnent 200 000 $, ça c'est le salaire de base. Le chiffre officiel est beaucoup plus haut que ça. Et je connais pas le milieu du cinéma. Je ne sais pas combien que Rampage peut remporter pour ce petit rôle-là. Et surtout, je sais pas. quel futur il va avoir dans le cinéma par après. Rampage, il faut qu'il ait du succès s'il veut avoir une autre offre. Alors, c'est un peu plus bizarre comme décision. Pour, comme je dis, pour Gina Carano, pour Kung Lee, je comprends complètement la décision. Je peux pas y blâmer. Il remporte pas autant d'argent dans le MMA qu'un gars comme Rampage ou Randy Couture, justement. Désolé. Pour la suite, Chuck Liddell également, lui, bon, c'est pas, ben, il a déjà participé à des films, mais là, c'est eu des apparitions dans Dancing with the Stars. Je sais, j'ai pas, je pense que c'est pas leur première édition là. C'est une émission qui tourne aux États-Unis, qui semble avoir du succès. Et Chuck Liddell prend part à cette édition-ci. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir sa performance, si on peut parler de performance, dans la première émission qui a eu lieu la semaine passée. Toi, Fred, as-tu eu l'occasion de voir ça? Bah, j'ai juste vu les vidéos que j'avais mises sur mon site web. Alors, Chuck avait de l'air souriant, puis il avait de l'air à s'amuser, tant mieux. Puis, ça donne de la publicité, Dancing with the Stars. Ça joue le soir aux grandes heures d'écoute sur ABC, il me semble. Alors, c'est beaucoup de... Beaucoup de personnes qui ne regardent pas l'UFC normalement, qui ont une vue sur Chuck Liddell, qui est un bon ambassadeur en général. Là, c'est un gars qui sait bien agir, il est souriant, oh. Il sait parler, alors ça devrait être le fun. Des fois, il a l'air d'être sur des produits illicites. Hein? Il n'a pas toujours l'air d'être en entrevue. Là. Mais moi, j'ai regardé ça, il y avait... Dana White était là dans la foule, puis je pense qu'il y avait les frères Ferditon. En tout cas, au moins un des deux, j'ai cru les reconnaître aux côtés de Dana White. Ils étaient présents pour assister à la performance de Chuck Liddell. Moyen, là. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder les autres danseurs également. Il y avait Marc Daskakos. Je sais pas si tu connais Marc Daskakos, qui est un pratiquant d'arts martiaux. Je pense que c'est son père, Art Daskakos. Il a fondé un style bien à lui. Puis Marc Daskakos a fait du cinéma, là, fait beaucoup de films, des films d'arts martiaux précédemment. Puis il était là également pour danser. Puis on a vu quand même un peu plus fluide que Chuck Liddell. Il avait l'air un peu crispé. Puis même son sourire, là, c'est un sourire assez étrange, là, un peu démoniaque. Chuck Liddell, je sais même pas s'il va être là dans la prochaine émission. Là. Oui, ben. J'ai pas écouté l'émission, puis je comprends même pas comment exactement ça fonctionne. Mais d'après ce que j'ai lu, il a survécu à la première coupure, Chuck. Puis je sais pas, peut-être si toi tu le sais, vu que tu as écouté un peu l'émission. D'après ce que je comprends, c'est par des votes du public. Alors ça va être une bonne chance de voir à quel point l'UFC est populaire, puis le monde va voter pour Chuck Liddell. Ah, oui, je sais, il y avait trois juges, puis effectivement, il y avait un numéro de téléphone pour appuyer, mais ah, ben alors, c'est sûrement pour. Il y a sûrement eu beaucoup d'appels, parce que j'ai trouvé assez exécrable la performance de Chuck Liddell, mais quand même, toujours très drôle. Chuck Liddell avait l'air un peu. Avait pas l'air heureux, puis j'ai l'impression qu'on va le revoir vite dans une cage. Il a l'air beaucoup plus à l'aise dans une cage. Ah, il a pas été super, il était dur avec lui. Oh, bon, hey, ça termine. Non, on va faire. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses à dire, Fred, t'as écouté la deuxième émission des Ultimate Fighter? Quelque chose à dire là-dessus? Ouais, ben, je l'ai écouté pour une deuxième semaine consécutive et cette semaine, je dois admettre que d'un point de vue, l'action dans la maison, ça a été excellent. On a vu beaucoup plus les combattants, apprendre à les connaître, puis dans le gym. Justement, on a vu Kimbo Slice et Rampage Jackson. Discuter. Rampage semble aimer Kimbo. Kimbo semble aimer Rampage. Par après, on a vu Roy Nelson qui, lui, s'est fait un peu remettre à sa place par les entraîneurs de Rashad Evans. Excusez. et c'est ça. Alors, Rashad Evans reprochait à Roy Nelson de ne pas prendre au sérieux les demandes qu'on lui demande. Il disait que Roy Nelson tourne tout en une blague, si on veut. Et était un mauvais exemple pour les autres. Roy Nelson et Kimbo Slice, justement, vont s'affronter la semaine prochaine. Il y a une couple d'images qui ont sorti sur Internet. Et j'ai pas lu les articles parce que je veux garder le suspense. Mais on semble voir Kimbo porter une bonne droite au menton de Roy Nelson dans les images qui sont sorties. Alors, il serait intéressant de voir si Kimbo réussit à causer une surprise. Le combat qu'on a eu cette semaine a été très décevant. On a eu deux gars qui manquaient beaucoup de cardio. Au deuxième round, les deux gars pouvaient plus bouger. Ils ont passé beaucoup de temps juste à se regarder face à face et puis c'était vraiment décevant. Tout le monde autour de la cage faisait juste leur crier après, attaque, attaque. Et aucun des deux réagissait, ils faisaient juste se regarder. Alors, le Ouais, combat. c'était quoi ça? Ces gars-là, qu'est-ce qui se passe? Les gars à bout de souffle. Écoute, Regarde, plus ça, moi. je pensais à ça avant l'émission. Puis comme je te disais la semaine passée, moi j'ai déjà été un fan de la NFL. Maintenant, j'écoute plus vraiment ça. Mais avant, j'écoutais pas mal ça. Puis je me rends compte que les gars de la NFL, ils ont peut-être genre le. Tu sais, un court de laps de temps, là, un effort physique intense, là. Jeu au football, ça dure 10 secondes, après ça, ça Exactement. reste. Ouais, Exactement. Mais ils n'ont pas le cardio pour suivre les rounds de 5 minutes. C'est quelque chose que tu ne peux pas acquérir non plus juste en une couple de semaines d'entraînement, là, un cardio de même. Parce que c'est intense, c'est 5 minutes intenses sans. Même quand ils sont au sol, on ne se rend pas compte des fois, là, mais il n'y a rien de reposant. Là. Les deux, ils sont en train de se retenir à toute leur force, sont en train de se débattre avec tous leurs efforts. Alors, c'est ça, la NFL, on se rend compte que les gars, oui, ils sont très forts physiquement. Celui qui combattait, c'était Wes Shivers. Justement, si tu regardes, c'est une bonne pièce d'homme, il est très, très fort, mais il a manqué de cardio dans son combat. Là. qui a gagné? Le grand a perdu, c'est ça? J'ai pas. Il y avait un grand, vraiment très très grand, puis l'autre était un petit peu moins grand. C'est le gars de Rashad Evans, McSweeney, qui a gagné. C'est ça, Ah, McSweeney, ok. il me semble son nom. Ouais. Puis il a distribué des bons coups de pied dans les jambes, là. Moi, j'ai vu la fin du premier round. C'est lui qui, je pense, qui a frappé les jambes de son adversaire. Puis, c'est ça, les deux avaient l'air fatigués. Puis, c'est un combat assez bizarre, là. Il me semble que si tu as une chance, peut-être, d'avoir l'occasion de percer dans le UFC. Tu te déchires le cœur, puis au pire, tu feras un infarctus, là. Et non, ces gars-là m'ont déçu. Oui, moi aussi, non. On s'en est parlé, je pense, juste après l'émission. On s'est parlé justement. Puis Oui. ça a été très, très décevant, très. Une chance qu'à la fin de une chance qu'après ce combat-là, ils nous ont dit que Kimbo Slice et Roy Nelson s'affronteraient la semaine prochaine, parce que sinon, je pense que la majorité des sites web auraient été très déçus de l'émission The Ultimate Fighter. Oh, j'ai hâte de voir ça. Moi, je souhaite une victoire de Roy Nelson, mais moi, j'ai vu les deux premières saisons. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais dans le cas où Roy Nelson remporte, est-ce que c'est fini puis Kimbo se repart chez eux? Je vais être honnête avec toi, je suis pas sûr à 100%. Je vais te dire que je pense pas pour le moment il y a d'élimination, parce que le gars qui a perdu la semaine passée, il me semble qu'il était encore là cette semaine. OK. Alors, il me semble que les combats sont pas encore éliminatoires pour le moment. C'est ça, parce que là, c'est le UFC, Dana White, d'habitude, on n'importe quoi pour aller chercher des cotes d'écoute, là, j'ai l'impression que on verra pas Kimbo partir la semaine prochaine, ce serait étonnant. Serais-tu en train de dire qu'il y a un script? Oh. Non, mais d'après moi, les choses sont bien planifiées. Là. Je suis sûr que les combats sont pas truqués. J'espère que non, mais je suis sûr que non. Et c'est sûr que les choses sont faites de manière. Ça donne un show intéressant. Puis on serait là, pour on ferait pas mal la même chose. Ouais, non, ben exactement. Ça revient à pour ça que je dis que j'aime bien l'émission The Ultimate Fighter, mais ce que je préfère, c'est vraiment la finale, le gala final où ce qu'on a le combat officiel et tout, là. C'est l'aspect que je préfère de l'émission. Oh, alors c'est un deuxième bloc qui se conclut comme ça. On va reprendre notre souffle et par la suite, on va se donner un dernier swing pour compléter cette émission-là. Puis on va parler de José Aldo, notamment l'idole Fred Garcia. Et je pense que je vais avoir du temps pour jaser de tâches de marde. Alors, une autre petite pièce musicale, ça va nous faire du bien. Puis on revient. On aura également des galas à vous présenter, là, le Dream, un événement canadien en Alberta très intéressant. Alors, soyez-y, mesdames, messieurs, dans quelques secondes. Oui, et en partant, on lance un appel aux différentes compagnies. Si vous voulez nous fournir nos cafés le matin avec quelques petits dollars, ça va nous faire plaisir de faire passer vos produits pendant ces annonces-là. Oui, c'est ça, des produits le fun, là, tu sais, des produits en lien avec le MMA. On vous offre l'opportunité, tu sais, on pourrait avoir un bloc, je ne sais pas, là, un bloc d'un tel produit, là, puis vous êtes notre commanditaire, puis tu sais, on est très humble, là. Nous, on veut faire en sorte de votre produit puisse se vendre peut-être un peu mieux, plus faire connaître votre produit. Alors, soyez-y, soyez pas gênés de contacter Fred Garcia et ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Alors, c'est ça. De retour dans quelques instants. Fred Garcia nous a parlé de José Aldo, il nous a mis l'eau à la bouche. Vous vous êtes peut-être rendu sur mmenouvelles.com pour voir la trolley d'images, de vidéos sur José Aldo pour vous apercevoir que debout, ça a l'air d'être une véritable machine. Puis apparemment, il est très fort au sol aussi, si j'ai bien compris, mais de ce que j'ai vu, c'est surtout au sol. Il est éclatant, ton ami José Aldo, Fred. Oui, c'est ça que je disais. Moi, depuis que j'ai vu José Aldo, je me rappelle plus c'est quoi le premier combat que j'ai vu dans la WSC, mais immédiatement, j'ai vu que le gars, il est explosif. Il niaise pas. Il rentre dans le ring avec une mission pour aller gagner. Il impose le rythme. Moi, j'adore les gars qui imposent le rythme. J'aime pas un gars, tu sais, qui va dans... Ben, pas que j'aime pas, mais j'aime un gars agressif, là, qui a un plan, puis que c'est lui qui va dicter comment que le combat va aller. Puis dans la plupart de ses combats, c'est justement ce que José Aldo fait. Et j'ai extrêmement hâte de le voir contre Mike Brown. Ça va être un combat extrêmement excitant. Moi, je vois qu'José Aldo va remporter ça. C'est sûrement l'amateur en moi qui veut ça le plus. Mike Brown est excellent, mais José Aldo a le potentiel, je pense, pour dominer la division pour plusieurs années. Oui, ben, de ce que j'ai vu, là, vraiment intéressant. Des genoux, des jambes rapides, puissantes pour son poids également. Son Muay Thai. Très impressionnant, son Muay Thai, ses coups aux jambes et tout, là, sont, comme tu dis, très puissant, c'est impressionnant. Oui, 23 ans à peine, s'entraîne avec le clan Nova Uniao. Ça, c'était avec Wagné Fabiano, qu'on connaît bien ici au Québec, parce qu'il a formé plusieurs combattants, la première génération de combattants de Jiu-Jitsu brésilien ici au Québec, Wagné Fabiano. Puis il y a encore une affiliation, là, c'est tout nouveau, avec le Nordic Fight Club dans la région de Québec. Il va donner des séminaires là. Des séminaires de manière assez régulièrement au cours des prochains mois, Fabiano. Il y a également Vitor Ribeiro qui fait partie de cette équipe-là. Genre José Aldo fait partie de ce clan-là, un clan très réputé au sol. Thales Letes également fait partie de cette équipe-là. Je connais pas son jeu au sol, José Aldo, mais on dit de lui une ceinture noire. Mais de ce que j'ai vu debout, là, c'est déjà très convaincant. Une fiche de 15 victoires, une seule défaite. Et c'était par soumission face à un gars qui s'appelle Luciano Azevedo par étranglement arrière. Mais sinon, ce n'est que des victoires. Et 10 des KO ou KO parmi ceux-ci. Alors, et dans ces derniers combats, ceux qu'on a pu voir là sur mmenouvelles.com, toujours expéditif et spectaculaire surtout. Alors, il y a un opposant de taille là pour notre ami Mike Brown. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Puis il y a Miguel Torres également. Il me semble que ce serait pas mauvais de voir Miguel Torres face à Aldo. Oui, parce que justement, Aldo pourrait descendre à 135 livres aussi, on dit. C'est pas le plus gros... 5 pieds et 7. Pardon? 5 pieds et 7 seulement. Oui, exactement. C'est pas le plus gros 145 livres. Et il pourrait sûrement descendre à 135 livres. Et vu que la WEC n'arrête pas de... Moi, je suis un grand amateur de la WEC. Je trouve que dans la dernière année, il y a tellement de talent qui s'est rajouté. Si on pense justement à des gars comme Aldo, qui se sont fait connaître. Le japonais, je vais maganer son nom, là, mais Takeya Mitsuzaki. Tu mentionnais Jeff Curran qui a perdu beaucoup de combats récemment, mais dans tous ses combats, il a été très impressionnant, je trouve. Il y a Benavidez, il y a Rani Yana. Il y a tellement de beaux talents dans WSC. Les deux divisions sont super excitantes à voir. Ça donne toujours des combats extrêmement rapides, plein d'action. Mike Brown contre Jose Aldo, ça va être pareil. Mike Brown est très gros pour un 145 livres. Alors, va falloir voir s'il va être capable d'imposer sa force sur Jose Aldo. Aldo risque d'avoir la vitesse. Alors, ça va être un combat très intéressant. Moi, vu que je suis un fan de Aldo, je dirais que je suis aussi intéressé par ce combat-là que n'importe quel autre combat de championnat qui s'en vient. Je ne l'ai pas mis dans le plus récent sondage qu'il y a sur MMA Nouvelle, justement parce que c'était pas un combat de l'UFC. J'ai quasiment pensé le mettre parce que moi, j'aurais quasiment voté pour Jose Aldo contre Mike Brown. Je sais que c'est l'amateur en moi qui parle. Ouais, t'as été le seul, malheureusement. Puis je me confesse, là, Fred, là, moi, la WEC, ça ne m'a jamais vraiment intéressé tant que ça. Les petits hommes, là, à 135-145 livres non plus. Mais là, de plus en plus, je pense que je vais m'y mettre là, parce que là, ça manque à ma culture MMA, je dirais. Ouais, ben il y a certains gars à garder des yeux. Le dernier gala, il y a eu un combat entre Joseph Benavidez et Dominic Cruz. Et si tu n'as pas eu la chance de voir ça, va voir ce combat-là. C'était 15 minutes d'action à haute intensité comme j'ai jamais vu. Ben, il y a sûrement eu d'autres combats de même. Mais c'est justement ce que la WEC offre. C'est des combats à haute intensité, rapides et l'établi de talent n'arrête pas de s'améliorer dans WEC. Ouh! Et parlons de... Est-ce que tu as d'autres prospects en tête? Là? Des jeunes et moins jeunes, mais des gars qui débutent dans ce sport-là, qui sont pressentis peut-être à un avenir aussi fabuleux que tu sembles le voir dans le cas de José Aldo. Bon, en tête rapidement, on pense à John Jones assez facilement, qui maintenant est rendu avec le clan de Georges Saint-Pierre, le Tristan, puis la gang à Greg Jackson. John Jones, qui a 22 ans à peine, qui a 9 victoires, n'a pas encore subi la défaite. Au UFC, il a réussi à remporter des combats face à André Guzmão, une belle victoire face à Stéphane Bonnard. Il vient de vaincre également par soumission Jake O'Brien. Alors lui, je pense qu'on peut le rentrer dans ce club-là des jeunes à surveiller. Oui, John Jones, c'est un très beau prospect. Très athlétique. Moi, j'aime regarder le côté athlétique d'un gars parce que je suis d'opinion que ça vient de nature, si on veut. C'est génétique. Je pourrais m'entraîner pendant les 10 prochaines années de ma vie. Je ressemblerai sûrement pas à Georges Saint-Pierre. Alors, quand je vois des gars comme John Jones, des gars comme Georges Saint-Pierre, justement, je vois que c'est des athlètes naturels. Alors, c'est intéressant à voir. Eux autres, il leur manque juste les techniques à approfondir, puis ça peut être des forces. Un autre nom qui me vient en tête, c'est Anthony Johnson, justement, très bon athlète, très fort. Ouais, alors, 25 ans, 7 victoires, 2 défaites, mais une des défaites, je pense, c'est face à Kevin Byrne, puis c'était suite à un accident, un doigt dans l'œil, c'est pas vraiment une défaite. Alors, Anthony Johnson, ouais, un gros gabarit, un gars, je pense. J'ai hâte de voir comment ça va se développer sa carrière. Pour l'instant, moi, je pense qu'il y a des outils pour arriver à quelque chose de très bien. Oui, Anthony Johnson, pour moi, peut-être dans un an et demi, 2 ans, il pourrait être un opposant intéressant pour Georges Saint-Pierre. S'il réussirait à gagner pendant ce temps-là, genre 3-4 combats de suite, ça le mettrait assez haut, assez vite, là, avec une belle progression, bien sûr, d'adversaire. Il faudrait que ça s'améliore de combat en combat. Un autre gars qui me vient en tête, je pense que tu aimes bien aussi, c'est Cain Velasquez. Moi, c'est mon préféré. Dans les poids lourds, là, moi, je crois en lui. Il est encore vraiment jeune. Là. Dans les poids lourds, il a 27 ans à peine, mais dans les poids lourds, c'est très jeune, en tout cas pour moi. 6 victoires, 5 victoires par KO. Le seul qui a pas réussi à mettre KO, c'est Chuck Congo. Puis Chuck Congo a fait vraiment réussi. C'était miraculeux, il s'en est sorti vivant, là, tellement qu'il a subi les matraques de Velasquez au sol. Congo a démontré beaucoup de courage dans ce combat-là. Velasquez a quand même été sonné à chaque début de ronde, mais a toujours réussi à reprendre ses esprits rapidement. Le gars, il est en forme. Moi, je pense qu'il je vois progresser tranquillement, pas brûler les étapes, mais ce gars-là semble avoir des outils pour avoir un rôle très important dans les prochaines années, dans les poids lourds en MMA. Oui, moi aussi j'aime beaucoup Velasquez. J'ai oublié c'est qui a affronté avant Jack Congo, mais il m'avait beaucoup impressionné parce que Velasquez, c'est sa lutte qui est connue, mais dans ce combat-là, j'avais vu du Muay Thai, des coups de pied aux jambes, un bon stand-up. Il m'avait impressionné dans sa progression. Jake O'Brien, je sais qu'il a affronté Jake O'Brien il n'y a pas si longtemps. O'Brien était à 205 livres maintenant, mais avant, c'était. Ça pourrait être Stojnik, peut-être, moi j'avais en tête, Ah, là. ok, oui, Peut-être. un type de nain, là, européen. Oui, Denis Stojnik, une espèce de nain. Il était vraiment pas grand, mais gros. Exactement. Puis Velasquez avait montré du beau stand-up. Je sais que c'est pas un gros opposant, mais C'est pour un ça. gars comme Velasquez qui vient d'un milieu de la lutte, à son cinquième combat, déjà de montrer des beaux leg kicks solides. Puis c'est ça justement. Velasquez est fait fort. Alors ses leg kicks avaient de l'air à venir fort. Mon seul bémol un peu, c'est qu'il pèse juste 238 livres et c'est peut-être un peu petit pour les poids lourds. Il y a les attributs. Malheureusement, c'est qu'il arrive avec des attributs similaires, si on veut, à un Brock Lesnar, mais pas mal plus petit. Alors, c'est Oui, peut-être mais. l'aspect qui me fait peur dans un combat genre contre Brock Lesnar pour Cain Ouais, je suis Velasquez. d'accord. Ouais, pour l'instant, je suis d'accord avec toi. Mais tu as vu Randy Couture, là, dans son combat face à Brock Lesnar, il a pas mal paru, loin de là. Puis en lutte, je pense la technique est. Moi, j'ai toujours pensé qu'en lutte, c'est l'histoire de la force physique, c'est tout. Mais la technique est tellement importante, mais c'est sûr qu'à talent égal techniquement, ben, si t'as 50 livres de plus, ben, tu risques d'avoir un avantage de ton côté, c'est certain. Mais je pense à un peu de maturité physique, Velasquez peut peut-être aller chercher une dizaine de livres supplémentaires. Et là, à 2,40, techniquement, il est très bon aussi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, j'ai confiance en lui, mais je pense qu'il ne doit pas brûler les étapes. Oui, non, c'est un très bon jeune. Et il arrive avec beaucoup de pedigree, si on veut, de référence pour son expérience en lutte. Et il améliore son stand-up. Alors, il est dans une très bonne équipe, alors avec des bons gars pour améliorer son stand-up. Le futur a de l'air beau pour Cain Velasquez et il va être une force dans les poids lourds, ça, c'est officiel. Ensuite de ça, bon, il y en a un, on n'a encore jamais vu à l'œuvre, c'est un Japonais, médaillé d'or aux Jeux Olympiques en 2008 dans les plus de 100 kilos, Satoshi Ishii. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que j'ai jamais vu le gars à l'œuvre, parce que bon, il n'a pas encore d'expérience professionnelle, mais il semble prendre les choses au sérieux plutôt. Si tu deviens champion olympique dans une discipline, c'est que tu as eu la détermination, la discipline, la rigueur, puis le courage, puis un talent athlétique pour y arriver. Et si tu emploies encore, c'est la même méthode pour performer dans un autre sport, et puis que tu as conscience que la conversion en MMA est ardue, mais que tu dois redoubler d'ardeur, puis vraiment polir ton talent, puis travailler dans d'autres disciplines. Puis j'ai l'impression que Ishii a compris ça, puis qu'il s'entraîne fort pour son premier combat qui aura lieu dans les prochains mois. Ben, moi, j'ai bien hâte de voir ce que ce Japonais-là peut faire. Oui, ça va être intéressant parce qu'il va attirer aussi beaucoup de caméras. Alors, moi, je suis un amateur surtout quand le gars vient d'un milieu des combats comme lui, que ce soit le judo ou un autre sport de combat, on voit que aux États-Unis, il y a des lutteurs collégiaux, ils arrivent en MMA avec le même genre d'attention que lui peut recevoir au Japon et mondialement. Alors, j'ai hâte de le voir comment il va transitionner dans le MMA, s'il va être capable d'apprendre toutes les techniques. Les judokas, il y en a certains qui ont eu du succès, si on pense à Akiyama. Honnêtement, moi, Hideko Yoshida, puis tout ça, ont eu des succès, des insuccès, mais rien d'éclatant. Parce que le judoka traditionnel, je pense, c'est peut-être pas assez efficace, mais il faut que tu mêles ça à la sauce MMA. Un peu comme Caro Parisienne, je pense. C'est peut-être lui qui a le meilleur judoka version MMA, le plus efficace. Oui, Carol Parisienne est excellent, mais moi j'aime beaucoup Akiyama que je mentionnais avant. Son premier combat dans l'UFC, il n'était pas très impressionnant, mais malheureusement, il va falloir. Les Japonais, Ishii n'aura pas ce problème-là vu que c'est un poids lourd, mais les Japonais en général ne coupent pas beaucoup de poids pour faire leur combat. Or, Akiyama est très petit pour un 185 livres. Il devrait descendre à 170 livres pour moi. Et comme tu dis, il y a certains judokas qui réussissent à transitionner ça, comme Caro Parisienne ou comme Akiyama. Mais pour la majorité, non, c'est pas une discipline qu'ils ont réussi à amener dans le MMA pour avoir vraiment un grand succès. Finalement, il y en a un autre, moi, que je vois. Là, on l'a vu récemment, Junior Dos Santos, 25 ans, pas vieux. C'est un poids lourd, de grande stature, 9 victoires, une défaite jusqu'à maintenant. Mais dans les UFC, il a quand même réussi à battre deux gars qu'on connaît dans le milieu du MMA. Crocop, bon, qui c'est vrai, est en fin de carrière. Mais Fabricio Werdum aussi, Santos l'avait surpris avec ses mains. Alors, je ne sais pas si vraiment il a des chances d'être parmi les 5 meilleurs poids lourds au monde un jour. Mais c'est un gars qu'on se doit de surveiller, voir s'il va pouvoir continuer son ascension. Oui, il a été impressionnant et il mérite qu'on porte attention à lui, ça c'est officiel. Et vu son jeune âge, vu l'équipe avec qui il s'entraîne, l'avenir a de l'air très beau pour lui aussi, Junior Dos Santos. Justement, on pourrait le voir contre des Cain Velasquez, ou je sais que Velasquez a un combat qui s'en vient, mais je veux dire que Junior Dos Santos contre Cain Velasquez ou contre Shane Carwin ou contre Chuck Congo, ça pourrait tout être des bons combats intéressants à voir. Oui, puis sur la scène québécoise, il y a encore des jeunes, des gars qui ont de bel avenir devant eux, comme Georges Saint-Pierre, parce qu'il y en a qui vont vraiment accéder à ce niveau-là. Probablement qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que Georges Saint-Pierre, c'est vraiment un miracle. Là. C'est une espèce de Mario Lemieux dans son domaine. Mais il y a du talent au Québec. On pense à Derek Gauthier, qui a 4 victoires, aucune défaite jusqu'à maintenant, qui combat à 170 livres. Mike Ritchie également, l'ancien joueur des Nordiques. Non, c'est pas l'ancien joueur des Nordiques, là, mais son nom s'écrit de la même manière que lui aussi, a 4 victoires, aucune défaite. Lui combat 155 livres, si je me trompe pas. Guillaume DeLorenzi, de la ville de Québec également, qui a une fiche de 5 ou 6 et 1. Il a subi une défaite, mais face à War Machine, un gars qui était peut-être un peu trop gros pour lui. Et DeLorenzi a descendu de poids, il est rendu à 155 livres, a eu de la misère à la première pesée. Mais je pense que s'il travaille avec des gens en diététique puis tout ça, qui font attention à comment faire une coupe de poids, c'est un gars qui a un bel avenir devant lui à 155 livres. Et il y en a d'autres gars au Québec également qui sont remplis de talent. Et je sais qu'en France également, il y a du talent là-bas aussi. Je vais rajouter un nom. J'ai pas vu beaucoup de ses combats, mais dans chacun de ses combats que j'ai vus, puis j'ai pas son âge non plus. Je pense qu'il est peut-être pas âgé, mais disons, en milieu de carrière. Thierry Kenville, j'avais bien été impressionné par plusieurs de ses combats, moi, personnellement. Kenville, ouais, t'as raison, mais lui, il est un peu plus avancé. Ouais, non, je sais, il est plus âgé, mais oui. c'était un Québécois qui... OK, faut pas... c'est peut-être pas un jeune, je veux pas... Malheureusement, moi non plus, je suis pas jeune, je vais me mettre dans le même bateau. Mais non, c'est ça, c'était un bon milieu de carrière québécois, si on veut, que j'aime oui, bien au regarder. Sol. Beaucoup de talent au sol. Thierry Kenville, qui d'ailleurs, on en a parlé la semaine passée, a remporté un combat. Puis là, déjà, sa route va se poursuivre. Le 17 octobre prochain, il y a un événement de la MFL. Ce sera leur tout premier événement, Fred. Ça aura lieu au centre Claude Robillard à Montréal. Donc, je vous rappelle, le 17 octobre prochain, une organisation toute nouvelle qui voit le jour avec Dirk Waterburn, également un ancien combattant que plusieurs ont vu là, au TKO, qui organise l'événement. Alors, on vous invite là, peut-être à aller assister à cet événement-là parce qu'il y a des noms franchement intéressants pour une première carte. Là, moi, je suis assez abasourdi. Thierry Kenville va être là face à Tim Tamaki. C'est un Canadien, mais je ne connais pas très bien. Pas une belle fiche, là, Tamaki. 8 victoires, 14 défaites. Ça, c'est le combat de la soirée principale. Mais il y a Guillaume DeLorenzi qui revient à un autre combat encore pour lui. Lui aussi, il vient tout juste de se battre dans le dernier gala Ringside. Il va être là pour affronter un Français. Parce qu'il y a des Français qui ont plus d'informations à nous fournir sur Sébastien Garguier, que je ne connais pas, mais on me dit qu'il s'est entraîné à Las Vegas là, l'année dernière, pendant un an, avec Ferid Kader, entre autres. On dit de lui qu'il est très bon debout, une fiche de 3 victoires, 2 défaites. Au sol, peut-être un peu plus limité, mais peut-être que sa dernière année Las Vegas, ça fait en sorte qu'il va être un peu plus polyvalent. Il y a Tom Murphy à 205 livres qui va être là également. Yann Pellerin fait un retour. Il avait été blessé dans son combat face à Steve Blossé, une blessure assez sérieuse, mais là, va être de retour pour affronter Jason Cecil. Il y a Yannick Galipeau qui devrait faire partie de la carte également. Yannick Galipeau qu'on a déjà comparé à Georges St-Pierre. Parce que c'est un combattant aussi qui a des bases en karaté Kyokushin. Mais bon, malheureusement pour lui, il avait eu un très beau début de carrière, mais après ça, ça a été un peu plus difficile. Mais là, il fait un retour face à Patrick Taissy, un boxeur surtout. Il y a le fils de Dirk Vandenberg qui va être là, Dimitri Vandenberg. Il y a des noms comme ça, Kevin Morin également. Il y a Mark Blackburn qui se retrouve sur cette carte-là. Ça, c'est le gars qui, dans ses deux premiers combats en carrière, a remporté des combats avec sa jambe arrière en 9 et 6 secondes, je pense. Alors, beaucoup de combattants intéressants. Derek Gauthier également pourrait faire partie de la carte. Il ne reste qu'à confirmer son adversaire. Alors, ça, c'est une carte franchement intéressante que la MFL va vous proposer le 17 octobre prochain. Puis on va vous en parler un peu plus lorsqu'on va être à une semaine de l'événement. Oui, puis vu qu'on est sur le MMA local, faudrait mentionner qu'il y a deux combattants du Canada qui vont aller pour les prochains essais de l'émission The Ultimate Fighter. Ça va être Dan Grand-Maison et Brent. Parlant. Exactement. Oui, il y a Cajun Johnson apparemment qui prendrait part également aux auditions. Ah, ben, tant mieux, un de Ouais, plus. Cajun Johnson, on a vu là, face à Steve Clavo, là, il est allé chercher le titre dans l'organisation XMMA, je pense qu'on peut le dire là, l'ancienne organisation, là, à moins qu'il se passe de quoi là, dans les coulisses qu'on n'est pas au courant, mais en tous les cas, Cajun Johnson qu'on a vu face à Steve Clavo notamment, puis il me semble qu'il a pris beaucoup d'assurance, puis un gars dangereux au sol également, alors ce serait trois, au moins trois Canadiens là, qui tenteraient d'avoir leur chance à 170 ou 185 livres dans la 11e édition des Ultimate Fighter. Oui, on leur souhaite toute bonne chance, puis j'espère vraiment que au moins un et même les trois réussiraient. Comme ça donnerait une raison de plus de regarder la prochaine saison l'année prochaine, qui devrait commencer, je pense, au mois de janvier environ. Oui, ouais. Il y a eu des Canadiens qui ont eu du succès, là. Je pense à Patrick Côté, entre autres. Il y avait un Canadien aussi dans la première année, mais lui, ça a été un petit peu moins un succès. Je sais pas si tu t'en souviens, Fred. Ouais, non, là, je viens de m'en rappeler. Aïe, aïe, oui. Je vais vous parler de mon ami Tâche de Marde en même temps, parce que le Canadien qu'on vous parle dans la première année des Ultimate Fighter, ben, c'était pas mal la Tâche de Marde. La première année d'Ultimate Fighter, c'est le gars, tout le monde riait de lui. Mais mon ami Tâche de Marde, qu'on a pu voir ici au Québec dans les médias, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, dans le bulletin de LCN, mais c'est de son vrai nom, c'est Stacy, jeune garçon qui va au secondaire à Chicoutimi. Chicoutimi, je pense, ou en tout cas au Saguenay, dans le coin là-bas, à Jonquière plus précisément. Et sa mère l'a retiré de l'école parce qu'il se faisait appeler Tâche de Marde par les jeunes, puis il se faisait sacrer des volées. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sûrement des gens qui pourraient donner des conseils à Tâche de Marde, parce que, tu sais, dans tous les milieux de la société, on a un Tâche de Marde bien à nous. Tout le monde que vous avez été à l'école, puis en France, je suis sûr, c'est la même chose. Il y a toujours eu une Tâche de Marde dans les classes, toujours un dont il s'est fait rire de lui un peu plus que les autres. Malheureusement pour lui, sans défense, et que d'autres jeunes abusaient de lui. Et malheureusement, c'était toujours été comme ça. Est-ce qu'il y a un Tâche de Marde près de toi, Fred? Oh, moi, je suis d'opinion qu'on est tous la tâche de marbre de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va penser. Il y a personne qui va avoir l'approbation de tout le monde. Alors, faut pas non plus. Pour ce jeune-là et tout le monde dans la société, je dis faut pas prendre personnellement les insultes. Le monde peut être méchant des fois et faut garder la tête haute et pas prendre ça personnellement. Oui, c'est ça. Mais là, sa mère a décidé de le retirer de l'école. J'ai un peu de difficulté avec ça. Je pense que c'est pas la bonne décision pour sa mère. Puis là, évidemment, là, je tâche de marde. Je le connais pas tant que ça. Là. Je sais pas comment ça. Il s'est fait brasser à l'école, apparemment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais que ça doit pas être une situation facile pour les parents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'écoutais des lignes ouvertes là, qui parlaient de ce sujet-là, puis là, il y a du monde qui appelait, puis ils disent ben, la Tâche de Marde, il doit sacrer une volée à quelqu'un, puis après ça, le problème va être réglé. Sauf que je pense que ça ne marche pas comme ça, parce que T'sais, un agresseur va choisir, il choisit une tâche de marde, c'est qu'il a des raisons, c'est qu'il sait que la tâche de marde, il sait pas se défendre. La tâche de marde, s'il décide de vouloir se battre, il y a des bonnes chances qu'il s'en fasse sacrer une bonne. Moi, j'ai l'impression que, t'sais, pour qu'un enfant ait confiance en lui, je pense que c'est important de lui faire développer des aptitudes dans n'importe quel champ d'activité. On en a déjà parlé dans l'une de nos émissions précédentes. Les arts martiaux, je pense, c'est une bonne chose. Pas pour qu'il règle ses comptes à grands coups de poing sa gueule, mais pour qu'il ait confiance en lui. Je pense que je disais ça d'un vieux maître japonais il y a plusieurs années qui disait meilleur qu'il était en karaté, puis moins qu'il en avait besoin nécessairement. Tu sais, qu'il n'avait pas besoin de son karaté pour se faire respecter. Parce que, je pense que c'est ça. Faut vraiment, pour développer vos enfants, t'sais, leur faire découvrir différentes activités. Puis un jeune homme, je pense que c'est pas mauvais. Les arts martiaux, ça aide à gagner une confiance en soi, puis à développer les aptitudes sociales également, puis faire en sorte que les tâches de marde, il y en ait moins, même si je pense que Fred a raison, on sera toujours la tâche de marde de quelqu'un, mais à un moment donné, ça peut être lourd lorsque t'sais, tu es la tâche de marde de tout le monde. Ouais, mais moi je vais aller même à un niveau plus haut, ce que je vais dire, pourquoi pas, moi mon fils personnellement, je vais parler d'expérience, je l'ai mis dans le judo parce que à partir qu'il avait 5 ans, il a commencé à faire du judo. Mon fils, à l'école, vont me dire ce qu'il y a un supposé hyperactivité, si on veut, là, mais qu'est-ce que ça serait une discussion complètement différente. Mais je dirais que depuis que mon fils est en judo, ça lui a donné beaucoup de discipline, beaucoup de respect. Et la raison que moi j'ai choisi le judo personnellement, c'est que je voulais pas lui montrer à un jeune âge comment frapper. J'ai rien contre le karaté et tout, c'est tous des sports excellents. C'est juste ma décision personnelle vis-à-vis à ça. Puis ça m'amène à dire que aux États-Unis, ils ont des sports de combat tels la lutte dans les écoles. Et moi, je suis un grand amateur d'avoir plus de sports tout court à l'école organisés. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Fred, là. Puis je sais pas si c'est comme ça en France, mais ici, à un moment donné, il y avait coupé des heures d'éducation physique. Puis là, je Ouais, pense qu'on en a redonné, mais qu'est-ce qu'ils font dans leurs cours? Ils font du yoga ou du cheerleading, tu sais, mais c'est c'est plus que, non, pour moi c'est plus que juste des heures d'éducation physique, c'est un encadrement où ce que justement, si on regarde aux États-Unis, ils ont la ligue de football avec les règlements et tout ça. C'est pas juste des périodes d'une heure à aller courir pour dépenser votre énergie. C'est qu'il y a quelque chose de vrai pour les enfants devant eux, quelque chose, une fierté à représenter leur école. C'est beaucoup plus que juste dépenser de l'énergie pour moi. Et au niveau cégep et au niveau universitaire, tranquillement, on est en train d'atteindre ça avec le football au Québec un peu. Mais malheureusement, je pense que c'est le seul sport. Je veux pas. Je vais aller au hockey, mais si on me demande mon opinion personnelle, les jeunes de hockey, ils devraient tous être dans des écoles à apprendre ça, comme que aux États-Unis, au football, ils sont au collège, au basketball, ils sont au collège, au baseball, ils sont au collège. Mais au hockey, ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'école dans le hockey junior. Là. Je veux pas dénigrer personne, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts. Puis c'est justement, c'est implanter ça directement dans l'école, c'est changer le système selon moi. C'est beaucoup plus que juste mettre son enfant quelques heures de plus à dépenser son énergie. Moi, je vois ça d'une façon un peu plus grosse en tout cas. Ouais, moi je suis d'accord. Il faut qu'il y ait plus de sport à l'école, plus d'activités physiques. Bon, une des méthodes, c'est peut-être plus de cours d'éducation physique, puis peut-être plus de sport de contact, là. Il me semble qu'on est un petit peu Oui, je suis on d'accord. Même a peur ici au contact physique, hein. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui va se déboîter, une jambe, il va peut-être se casser un bras, mais ça fait partie de la vie. Il faut que ça brasse dans les écoles. Moi, tu sais, comme jeune homme, là, on a besoin de ça. On a besoin au sport. Puis je pense que ça, on va être meilleur même après ça. On va avoir plus d'intérêt dans tous les autres cours qui, malheureusement, des fois, peuvent être un peu plates. Rester assis pendant 7 heures, là, entre 9 et 4 heures à l'école pour écouter un prof qui, d'habitude, bon, pas toujours intéressant. Il me semble, si tu t'es dépensé, si tu as fait du sport, si tu sais que après l'école, ben, tu as une pratique de football, ben, puis que tu sais, il me semble que tu as plus d'intérêt, puis l'école, ça devient plus intéressant, puis il y a une espèce de sentiment d'appartenance qui se crée aussi avec ta communauté. Oui, exactement. Puis juste pour finir, un dernier mot à tous les jeunes qui pourraient nous écouter, même plus vieux, là, gardez la tête haute. Il n'y a personne qui est aimé à 100%. Et si, quand quelqu'un vous insulte, tu sais, faut pas tourner violent, mais si vous baissez la tête et vous l'acceptez, mais ça va juste continuer. Alors, gardez la tête haute et sans se fâcher, dire. Non, Montrer que c'est c'est sûr. faut pas que ça s'affecte. Puis je dis ça Ouais. surtout pour les jeunes parce que c'est un vrai problème, sérieusement, dans le milieu scolaire. Et gardez la tête haute, les jeunes. Vous savez, il n'y a personne qui fait l'approbation à 100%. On a tous passé par là à un moment donné. Alors, ça fait partie de grandir. C'est pas toujours le fun, mais faut continuer à garder la tête haute. Puis faut pas avoir peur d'être qui vous êtes et de dire non quand vous n'aimez pas quelque chose. Ouais, ça c'est bien dit, Fred Garcia. Alors, ça conclut pour ça. Là, on est rendu avec quoi? Je pense qu'il y a un gala. Ah oui, on est-tu rendu au Dream déjà? Ouais. Oh, Dream 11, Fred Garcia, une autre organisation japonaise très importante. Il y a le Sengoku puis il y a le Dream. Ce sont deux organisations qui ont pris naissance après la mort du Pride. Et le Dream 11 qui sera présenté le 6 octobre prochain à l'Arena Yokohama au Japon va nous présenter la continuation de tournoi dans la catégorie des 145 livres entre Bibiano Fernandez, entre autres, qui va affronter le Japonais qui a 32 ans, mais qui est en tout début de carrière en MMA, et j'ai nommé Joe Warren. Oui, Un ben, petit Fred. juste une petite précision, c'est le tournoi poids-plume, mais au Japon, c'est 139 livres qui mettent comme limite au tournoi poids-plume. Bibiano Fernandez contre Joe Warren, ça devrait être un excellent combat. Joe Warren a surpris Kid Yamamoto, qui était très reconnu. Malheureusement, dans les dernières années, il a perdu beaucoup de lustre, mais Joe Warren a été impressionnant dans ce combat-là. On a surpris plusieurs. Il vient de l'équipe de Randy Couture, il me semble, c'est ça? Ben, l'ancienne équipe de Randy Couture, la Team Quest, Ah, je ouais, excuse, pense, ouais, c'est avec ça. maintenant Matt Lindland puis Dan Anderson. Oui, exactement, excusez, ouais, c'est ça. Et Bibiano Fernandez est un excellent combattant brésilien de Jiu-Jitsu et ça devrait donner un bon combat. Le deuxième combat entre les deux Japonais, j'y connais plus ou moins. On va avoir le droit après ça à la finale entre les deux gagnants. Il y a un combat de réserve aussi. Alors, j'aime beaucoup les styles tournois comme ça. Malheureusement, souvent, il y a un gars qui peut manger beaucoup de dommages au premier combat et pas arriver en pleine forme pour la finale. Alors, ça peut donner une tache, si on veut, au résultat, mais ça donne toujours des soirées excitantes. Oui, ben effectivement. Puis dans le cas de Bibiano Fernandez, là, il s'entraîne au Canada maintenant, à Vancouver, plus précisément avec l'équipe Revolution Fight Team, avec José Pelé-Landis également qui est rendu là-bas, l'ancien combattant de la chute boxe avec les Silva, les Roy, puis tout ça, là. Et puis Joe Warren, a 32 ans, mais là, vient de développer une nouvelle passion, puis ça semble bien se dérouler pour lui. Il vient de battre Kid Yamamoto. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire face à Bibiano Fernandez, qui a 16 victoires, 2 défaites. Ces deux défaites, c'était face à Kid Yamamoto, justement, puis l'autre face à Urijah Faber. Puis bon, l'autre demi-finale, ces deux Japonais qu'on connaît peut-être plus ou moins. Hiroyuki Takayaf, 32 ans, 9 victoires, 16 défaites, un combat nul face à Hideo Tokoro, qui a une fiche de 21-14 et un combat nul, mais dans le cas d'Hideo Tokoro, quand même, à son actif, une victoire face à Royler Gracie, alors c'est pas peu dire. Puis le combat de réserve là, va être disputé entre Kazuyuki Miyata, 7 victoires et 7 défaites, face à Daiki Hata, 11, 5 et 3. Puis va s'en suivre la finale entre les gagnants des deux demi-finales. Et maintenant, on rentre dans le tournoi insolite. Le Super Hulk tournoi, alors les gros bonhommes, des fois pas de talent, mais quand même avec des gabarits impressionnants. Ouais. Parlons du premier affrontement, oui, hein, parce qu'il faut se rappeler que dans le premier round de ce tournoi-là, il y avait le Jose Canseco, l'ancien baseballeur qui a joué entre autres pour les A's d'Oakland. Le premier combat de la soirée dans ce tournoi-là va être disputé entre le Coréen, le géant 7 pieds 2, Hongman Choi, face au Japonais, Ikuiza Minowa. Oui, ça va être, j'ai pas le mot francophone, là, entertaining, si on veut, ça va être un spectacle, Divertissant. oui, divertissant. Ça sera pas un combat très sérieux, je pense qu'on va voir Minoya tourner vite là autour, peut-être réussir une couple de coups, là, mais je pense qu'Hongman Choi va gagner ce combat-là. Hongman Choi se fait souvent, si on veut, ridiculiser à cause de sa grandeur, mais c'est pas un excellent combattant, mais il arrive quand même avec une solide de base en kickboxing. Alors, Il y a des genoux quand même. C'est lent son affaire, mais c'est efficace parce que son genou, il a la portée sûrement que les jambes de Minowa, là, à 7 pieds 2, on comprendra que quand il déplie cette affaire-là, il peut aller chercher jusqu'en Amérique, là, Hongman Choi. C'est 7 pieds 2, 330 belles livres. Deux victoires, deux défaites en MMA. Il a battu Bobby Olagun et José Canseco, mais il a perdu face à Krokop et Fedor. Ikuiza Minowa, c'est un gars moi je l'aime lui, il est drôle. 42 victoires, 30 défaites, 8 combats nuls, mais il a réussi 27 soumissions parmi ses 42 victoires. Puis il est habitué à affronter des combattants hors normes. Il vient de battre Bob Sapp justement dans le premier tour, il l'avait soumis. Il a déjà affronté, ça remonte à longtemps, Paulo César da Silva. Je ne sais pas si tu as vu ce combat-là, c'est dans l'organisation Pride. C'est un Brésilien, Paulo César, puis lui aussi mesurait 7 pieds 2 et Minowa avait réussi à le soumettre. oui, ça me dit quelque chose. Mais non, tu as raison, Minoya est un excellent combattant, mais moi, je veux pas que le monde pense que je pense que Hongman Choi est un excellent combattant d'MMA, mais il arrive quand même, je dis là, avec une solide base qui est supérieure à tous les autres gros gars que Minoya a affronté dans le passé. D'après moi, Hongman Choi est supérieur à Bob Sapp, justement, Minoya va avoir plus de misère à amener Hongman Choi au sol que les autres qu'il a affrontés avant. Oui, mais j'ai hâte de voir ça. Minowa, des fois, a des plans de match assez. Ça peut être, ça donne droit à des scènes, je dirais, étranges. Alors, faut regarder ce combat-là. Il va être amusant, ça, c'est certain. Hongman Choi, je pense, debout, évidemment, il y aura l'avantage sur Minowa, mais si Minowa réussit à l'amener au sol, on ne sait pas encore de quelle manière. Il peut même cracher du feu, là. Et Minowa, je te le dis, il fait n'importe quoi dans un ring. Alors, c'est à voir. Minowa, qui a donné un nouvel élan à sa carrière, parce qu'après ses 10 premiers combats en carrière, avait une fiche de une victoire, 8 défaites et un combat nul, mais depuis quand même, ça s'est grandement amélioré. Alors, ce sera un combat étrange. Par la suite, l'autre demi-finale devait être disputée entre Ramo Thierry Sokoju et Jegard Mousasi. Malheureusement, Jegard est absent, puisque blessé, et c'est Bob Sapp qui prend la relève. Bob Sapp, avec ses 6 pieds 5 et ses 300 livres et plus, va affronter Sokoju. Et parle-moi de ton impression de l'affrontement entre les deux gaillards. Ouais, je pense qu'on avait parlé un peu la semaine passée. Moi, je suis pas mal déçu qu'on n'ait pas le combat Sokoju-Musashi. Je considérais ça quand même un excellent combat de MMA. Sokoju a pas eu beaucoup de succès une fois qu'on l'a vu en Amérique, mais il arrive avec on parlait de judo et tout ça. Sokoju arrive avec une solide base, est très fort, et contre Musashi, qui lui est plus un gars, si on veut, rapide, moins puissant que Sokoju, ça aurait donné un match-up intéressant, un affrontement intéressant entre les deux. Alors, Bob Sapp, moi, je suis pas un très grand amateur de Bob Sapp. Je pense que Sokoju va le battre assez facilement, sérieusement, parce que Bob Sapp a la grosseur, mais il n'a aucune technique vraiment. Il a connu quelques victoires, mais c'est rien qui m'a impressionné jamais. Ouais, ben ces deux derniers combats ont été défaits par Minowa justement puis Bobby Lashley. Il y a 10-5 et 1 en MMA quand même. Bob Sapp, s'il réussit à vous amener au sol et être sur vous, ben là vous êtes en danger là, parce que là il y a 300 livres et plus à déplacer. Il peut vous matraquer et vous faire mal, mais si vous réussissez là, à bouger bien dans le ring, il va s'essouffler rapidement. Et Sokoju va pouvoir en profiter à ce moment-là. Et pour les Français, Bob Sapp devrait être en France pour affronter Patrice Quatterton, je pense, au mois de novembre. Je ne sais pas la date exactement. Alors ça, c'est à suivre. Quatterton, qui est un autre combattant là, debout, là, ce ne sera pas un combat en MMA. En tout cas, je ne crois pas. Non, pas en France, parce que c'est pas encore légal. Alors, ça va être en pieds et poings, je pense seulement. Et Quatterton, quand même, c'est un gars qui a une belle fiche et qui a beaucoup de talent debout. Voyons voir. Bob Sapp va sûrement manger une volée contre lui. Mais avant ça, va peut-être pouvoir en manger une autre également face à Sokoju. D'après moi, Bob Sapp, là, tu lui donnes un cachet puis il va aller se battre dans ton salon, Fred. Il a besoin d'argent, Bob. Ouais, ben on a tous besoin d'argent, alors puis ça paye pas si mauvais que ça. Alors, il y a un bon nom. Au Japon, le monde l'aime bien. Faudrait mentionner que pour les Japonais, d'après moi, puis d'après souvent ce qu'on peut lire, la culture est différente. C'est vraiment plus le spectacle qui est important que les champions en tant que tels. L'important, c'est de se battre avec honneur et Et pourtant, Bob Sapp, il me semble qu'il se bat pas avec Non, honneur. je sais, mais c'est Je l'ai parce vu que. comme Bob Lashley taper comme un enfant, face à Minoru aussi rapidement. Oui, mais exactement, ça, c'est pas. C'est que ça fait plaisir de voir Minoya gagner leur combattant local, que ce soit Minoya ou quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que Bob Sapp, non. Bob Sapp, au contraire, avait de l'air d'un gros bébé en petite boule, souvent dans ses défaites, là. Mais. C'est ça, je suis pas un grand amateur de Bob Sapp. Tu parlais du combat en France qu'il va avoir. Je voudrais prendre le temps de lancer un appel aux différentes organisations de MMA locales en France. Moi, je suis basé à Montréal et je suis pas, j'ai pas toute l'information toujours. Alors, que le monde qui sont en France ne se gêne pas pour nous envoyer là, des cartes de combat à venir local. On va en glisser un mot, ça va nous faire plaisir de parler de vos spectacles que vous avez dans votre belle terre là-bas, là, en Europe. Alors, et pas juste en France. Moi, j'ai déjà reçu des lettres par rapport à des emails par rapport à des tournois de Jiu-Jitsu en Suisse et tout ça. Alors, on invite tout le monde, le public francophone qui nous écoute, à nous envoyer les différents événements qu'ils pourraient avoir dans leur coin de quartier. Oh, bonne idée. Alors, ce sera un rendez-vous. Puis, tu sais, on est un peu là pour ça aussi, là, pour transmettre les informations aux amateurs de MMA ou de tout sport très connexe au MMA. Par la suite, plus sérieusement, il y aura un combat plus sérieux. Là, on parle de Joachim Hansen, le Norvégien, oui, il a 30 ans et il va affronter Shinya Aoki. Et ces deux-là se sont déjà affrontés dans le passé. Je pense à deux reprises déjà. Hansen a déjà perdu en 2006 contre Aoki. Aoki avait réussi à lui placer une superbe soumission, là, un gogo plata magique. Et dernièrement, il avait remporté une victoire, Hansen, par TKO face à Shinya Aoki. Alors, c'est leur troisième rendez-vous. Ça sera intéressant. Aoki, c'est un expert au sol. J'ai bien hâte de voir comment va se dérouler ce combat-là. Oui, moi aussi, ça c'est sûrement, sans aucun doute, le combat que je veux plus le voir. Et je suis un grand fan d'Aoki. Il faudrait mentionner que sa défaite face à Hansen, il me semble, c'était le deuxième combat de la soirée dans le tournoi, dans le Grand Prix du temps, qui est poids léger. Et Aoki, Hansen aussi avait eu un combat avant, mais c'est justement dans des tournois Grand Prix, quand tu arrives à la finale, les deux gars arrivent peut-être pas au même niveau. Alors, ça va être intéressant. C'est un excellent combat, les deux. Hansen ne s'est pas battu depuis presque un an ou plus d'un an. Et ça va être intéressant de voir s'il est rouillé parce qu'Aoki, lui, a eu plusieurs combats entre-temps. Il y a eu une défaite contre Ayato S'est Sakura. fait botter la face, là, c'était pas beau. Ouais, mais je pense que ça a prouvé que il n'y a pas d'affaire à monter plus haut. Déjà, à 155 livres, il me paraît pas très, très gros à Aoki. Je sais pas. En général, les combattants japonais, ils n'ont pas une ossature ou un physique très très découpé. Alors, c'est peut-être un peu, c'est pas tout à fait. Ça peut mentir. Il pourrait être beaucoup plus fort qu'on le croit, mais quand je le regarde, il semble pas non plus le plus fort à 155 livres. Un gars comme Diego Sanchez ou justement un Gray Maynard, il semble plus fort. Mais Aoki, il a tous les atouts en jiu-jitsu et en judo au sol pour causer des surprises, puis pas juste c'est pas des surprises. surprise, il est un des meilleurs. Alors, ça va être un excellent combat. Va falloir voir si Anson peut garder ça debout, lui. Oui, et là, j'espère que quelqu'un va lui payer des culottes à chenille à hockey, là, parce que des fois, là, c'est pas beau, là. Des petites culottes fluo, vraiment, là, très ambigu, chenille à hockey, du côté vestimentaire, mais sinon, moi, je l'adore. Ouais, mais selon toi, ça lui donne-tu un avantage? Ben, honnêtement, là, moi, je serais dans un ring à affronter quelqu'un en culotte comme ça, là, puis j'aimerais pas me frotter à lui. Là, je me poserais des questions. Ben, je parlais plus d'un niveau traction, là, parce qu'en Amérique, il n'aurait pas le droit de se battre avec ces culottes-là, justement, à cause que ils n'ont plus le droit d'avoir plus long qu'une certaine affaire. Puis ça doit Ben, lui à la donner une limite, je vois certaine pas trop. traction au sol, d'avoir le bout de tissu au lieu de peau à peau avec la sueur, là. Mais non, c'est ça. Moi, selon moi, ça lui donne un avantage pour sûr, là, dans le ring au Japon. Ah, moi, je sais pas. En tout cas, même quand si lui est pris avec une clé de jambe, ça va être plus difficile pour lui de s'enfuir, là. Mais. En tout cas, il y a différentes manières de voir ça. Mais en tous les cas, moi, je pense qu'il y a intérêt à changer, là, parce que là, c'est pas bon. Bon. Et une petite prédiction, vu que c'est le gros combat. Moi, Ah, moi, j'adore Shinya Aoki, que j'y vois tout le temps avec Aoki, au sol, là, vraiment un magicien. Il s'entraîne sous Yuki Nakai. Je sais pas si tu connais un peu Yuki Nakai. Non, je connais pas vraiment le Lui, milieu. il a perdu l'usage d'un œil dans un combat face à, comment il s'appelait? Gérard Gordeau, je pense son nom. C'est pas un Français, mais il a perdu un combat. Il a gagné son combat face à Gérard Gordeau, mais Gordeau, dans un geste prémédité, lui a enfoncé les doigts dans l'œil. Nakai a perdu l'usage de son œil par après, mais a remporté son combat. Puis lors de la même soirée, je pense, il y avait un autre combat après ça, parce que c'était un tournoi. Puis il avait affronté Rickson Gracie, qui est le meilleur des Gracie là, de sa génération en tous les cas. Puis Nakai avait bien fait face à Rickson. Rickson avait réussi à le soumettre, là, mais quand même, il faut penser qu'à ce moment-là, Nakai avait déjà devait souffrir. Là, et depuis, ben c'est ça, il a perdu l'usage de cet œil-là. Je pense que c'est l'œil droit, là, mais peu importe, c'est l'un des deux. Alors, Nakai maintenant qui dirige Shinya Aoki, entre autres. Ouais, moi aussi, je vais prendre Aoki. Tu m'apprends cette histoire-là, j'avais jamais entendu avant. Je sais que Gérard Gordeau, c'est ça? Ouais, je pense qu'il a participé au premier Ouais, UFC. puis je suis pas sûr si ça se voit sur le vidéo, mais à son entrée au ring, il a fait un beau salut à la foule, un peu bizarre, un peu, disons, un salut hitlérien. Oh, alors on voit déjà un hein, personnage étrange. Bon, je vais finir avec un combat dans les poids légers. C'est Tatsuya Kawajiri, 24, 5 et 2, va affronter Melkor Maribuzan, 2 et 3. Deux illustres, ben, en tout cas pour moi, je les connais pas, en tous les cas. Ben, Alors Kawajiri ça, est un bon poids léger, il faudrait mentionner, là, quand même, à garder un œil, mais son opposant, je ne le connais pas du tout, là. Ah, ok. Alors ça se déroule le 6 octobre prochain. On n'aura pas les résultats lors de notre prochaine émission, parce que notre prochaine émission, qui sera le début d'une toute nouvelle aventure et le début officiel de notre émission le 4 octobre prochain. Donc, évidemment, on n'aura pas les résultats, mais on a décidé de vous en parler tout de suite aujourd'hui, parce que bon, si on vous aurait parlé de la carte le 4 octobre, on aurait été un peu serré, mais on va vous en glisser quand même un mot lors de notre prochaine émission. Puis du côté du Dream, Fred l'a mentionné, on revient déjà le 25 octobre prochain. Murilo Roy pourrait faire partie de l'événement, entre autres, Polo Filo également. Alors, Kazushi Sakuraba, on le reverra peut-être éventuellement encore une fois. J'ai bien hâte de voir ça. Sinon, le gros rendez-vous sera le 31 décembre 2009, où là, c'est le gros show, puis il y aura vraiment des combats spectaculaires, dont la finale du tournoi Hulk. Oui, pour ce qui est de Sakuraba, moi je suis un grand, grand fan de Sakuraba, tout comme toi, mais à son dernier combat, j'avais pas aimé ce que j'ai vu. Et j'espère peut-être qu'il a pris sa retraite, Sakuraba. Il a mangé beaucoup, Ah, mais moi, beaucoup je de pense que. dommages dans sa carrière et il serait peut-être temps à considérer qu'il prenne sa retraite. Ouais, ben pour ma part, c'est assez 15 dans les combats. Peut-être que j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Le pauvre Sakuraba, pour moi, c'était mon. un de ceux qui a fait en sorte que j'ai aimé ce sport-là puis que j'aime ça autant maintenant. Mais c'est ça, hein, tu peux pas continuer à combattre à ce rythme-là aussi longtemps là, et Sakuraba malheureusement étire sa carrière et pour ceux qui s'intéressent au sport là, de récemment, mais lorsqu'on va vous parler de Sakuraba, vous allez vous dire ben qu'ils sont fous, Sakuraba il est poche. Mais il fallait le voir dans ses belles années où il était vraiment spectaculaire, puis arrivait toujours avec des nouveaux coups, des choses là vraiment insolites, mais qui a toujours été efficace. Puis au sol aussi, réussi à battre plein de Gracie, là, entre autres. Hein, des gars, les meilleurs pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Faut mentionner son combat qui a duré, il me semble, plus de 90 minutes contre Royce Gracie. Et aussi mentionner de Sakuraba, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient du milieu de lutte professionnelle japonais. Je suis pas sûr, je vais peut-être faire une erreur, mais il me semble que c'est le IWGP, l'organisation japonaise de lutte professionnelle, si on veut, similaire à la WWF ou à WWE maintenant. Et je sais qu'au Japon, c'est différent aussi, c'est un peu plus sérieux, mais il vient quand même d'un milieu de lutte professionnelle et après ça, il a transitionné au Pride dans les premières années. Selon moi, ça a été la première star japonaise du Pride et peut-être celui qui a le plus contribué dans les belles années du MMA au Japon, parce que dans les belles années du MMA au Japon, là, avec Pride FC, c'était très, très gros. C'était un sport énorme là, pour les Japonais. Et Sakuraba était sûrement la plus grande star japonaise pendant ces années-là. Oui, puis c'est un gars qui aurait eu intérêt, je pense, à combattre à 170 livres, mais il combattait à peu près n'importe qui. Là. Il s'est fait battre face à Wanderlei Silva. C'est là que tout a commencé à décliner pour le pauvre Sakuraba, qui, soyez certains, lorsqu'on va vous faire un bout d'émission sur le MMA Hall of Fame version... version MMA nouvelle francophone. C'est ça. Alors, soyez certains que j'aurais choisi, en tout cas moi, Sakuraba. C'est ça. On vous invite encore si vous voulez nous suggérer des noms pour notre MMA nouvelle Hall of Fame. Oui, ça serait vraiment une belle activité, ça. Que les différents amateurs prennent, qui écrivent une dizaine de lignes juste pour nous dire, là, 5-10 lignes et dire pourquoi que. Leur préféré, c'est lui et il mérite de faire partie du Hall of Fame qu'on va créer pour nos amateurs. Oui, puis c'est vrai parce qu'il n'y a pas juste le UFC, il y a tellement d'autres organisations, puis d'autres qui ont eu beaucoup de succès au Pride notamment, puis maintenant dans d'autres organisations. Je vais finir ce bloc-là par une autre organisation qui va d'un événement, ce sera leur 22e, l'organisation de Mark Pavlich. Ça se trouve être en Alberta, le MFC, Maximum Fighting Championship, qui ont préparé une carte là, délectable pour les amateurs de MMA avec des noms bien connus. Et le combat principal sera opposé au Canadien, évidemment, Jason McDonald, vétéran du UFC. Il a 34 ans, 33 victoires et 12 défaites, dont 17 victoires par soumission. Malheureusement, il est sur 2 défaites consécutives dans le UFC, mais je pense qu'on pourrait le revoir rapidement dans l'organisation UFC, Jason McDonald. Ces 2 défaites étaient face à Wilson Gouveia, qui l'avait amené au sol, et Gouveia l'avait terminé à grand coup de coude d'en face, et Ned Query également avait réussi à battre de façon assez rapide Jason McDonald, à ma grande surprise, je dois dire. Mais avant ça, il a déjà défait des Chris Leben, Ederman, Jason Lambert également, et il avait fait tout un combat. Et de manière assez... un des meilleurs combats, je pense, de l'histoire au sol face à Damien Maia. Jason McDonald, un gars très dangereux au sol. Oui, puis c'est un gars, je pense, que le public aime beaucoup. Il est très charismatique. Alors, quelques victoires, puis on pourrait le revoir dans... Ou bien l'UFC, Strikeforce, dans une grosse promotion, là, majeure. Ouais, puis quelques victoires. Moi, je dis une victoire. Celle-ci, puis on pourrait le voir dans le UFC. C'est son premier combat depuis sa défaite face à Nate Query. Il affronte pas un pied de céleri, il affronte un autre vétéran du UFC, Travis Luther, 36 ans, un des plus talentueux qui n'est pas dans le UFC à l'heure actuelle. Il a 9 victoires, 5 défaites. Là, je sais, ça fiche, ça vous, c'est pas nécessairement très illustre, mais parmi ces 9 victoires, 7 acquises suite à des soumissions. Son dernier combat remonte, lui aussi remonte à Montréal. Parce que Jason McDonald, son dernier combat, c'était à Montréal face à Nate Query. Mais Travis Slaughter aussi, son dernier combat, c'était à Montréal, mais pas au UFC 97, mais au UFC 83, face à Rich Franklin, où Slaughter avait bien entamé le combat, dominait, je dirais, mais malheureusement, à un moment donné, il a tenté une soumission. Franklin s'en est sorti, puis Slaughter, malheureusement, c'est son problème, pas beaucoup de cardio, puis peut-être une petite baisse d'énergie au deuxième engagement, il était plus dedans, puis Franklin en a profité, puis il a remporté le combat. Mais à cause que Luther n'était pas dans une bonne forme, mais Luther toujours dangereux, il a déjà soumis Patrick Côté d'ailleurs dans un combat au UFC. C'est une ceinture noire sous les ordres de Carlos Machado, Machado de l'autre famille légendaire. Il y a la famille Gracie, il y a la famille Machado maintenant. Et ce sera un combat très important entre les deux. Alors Jason McDonald face à Travis Luther, la MFC là, va présenter un combat principal très intéressant. Oui, dans le cas de Luther, je pense que tu as mis le doigt exactement sur le problème. C'est son cardio. Puis pour moi, quand quelqu'un arrive avec un manque de cardio, ça montre un peu un manque de sérieux. Alors, oui, il y a beaucoup d'outils en jiu-jitsu, mais j'ai beaucoup de questionnements, moi, sur s'il est dédié à devenir un très bon combattant ou s'il est juste content d'être à un certain niveau. C'est ça, 36 ans, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour lui, malheureusement. Mais il faut dire, lorsqu'il a affronté Anderson Silva, là, avait pas mal paru. Mais encore une fois, il manquait un peu de ressources énergétiques et Anderson en a profité. À 155 livres, il y aura un combat de championnat également. Antonio McKee, 39 ans, 22, 3 et 2, ça c'est sa fiche. Mais à ses 12 derniers combats, pas subi la défaite. Donc 11 victoires et un combat nul à ses 12 derniers combats. Sa dernière défaite, c'était en 2003 face à Caro Parisian. Alors, le vétéran de 39 ans, Antonio Mecchi, va être opposé à Carlo Prater, qui est un Brésilien qui a combattu deux fois dans la WEC. Il avait été défait par Carlos Condit et Brock Larsen. Et ce Brésilien-là a une fiche de 24-6 et 1. Et rappelons qu'Antonio Mecchi est le champion actuel de la MFC dans la catégorie des 155 livres. Dans les 185 livres, maintenant, il y a Luigi Fioravanti qui va être là, un autre vétéran du UFC, pour affronter le Canadien John Alessio. Fioravanti de l'American Top Team, 15 victoires et 5 défaites. Il a perdu des combats face à John Fish, Diego Sanchez et Anthony Johnson. Anthony Johnson, c'est tout récemment d'ailleurs dans le UFC, alors que John Alessio, c'est un Canadien qui s'entraîne avec le clan de Randy Couture. Il a 25 victoires et 13 défaites. Dans les 205 livres maintenant, un autre combattant que vous connaissez, Marvin Eastman, qui a combattu dans le UFC à quelques reprises. Une fiche de 16 victoires, 10 défaites et un combat nul. Il a 28 ans, donc un autre bon vieux vétéran. Il vient de perdre, mais une décision quand même, face à Ricardo Arona. Il va affronter un Canadien, Ryan Jimmo. 10 victoires et une défaite. Sa défaite, il l'avait subie à son tout premier combat en carrière. C'est donc dire qu'il est sur une séquence de 10 victoires consécutives, Ryan Jimmo. Dans la catégorie des 170 livres, Nathan Gunn, 7 victoires contre aucune défaite, affrontera Pete Spratt, 19 et 15. Il y a David Eve également, un autre vétéran du UFC qui va être là pour affronter Roger Ollett, qui, tant qu'à lui, Roger Ollett, non, plutôt David Eve va affronter Mike Nichols. Roger Ollett, je ne sais pas pourquoi j'ai mentionné son nom, là. Je me suis un peu enfargé dans mon cerveau, je suis désolé. Alors, je vous rappelle, le combat 205 livres va opposer David Heath face à Mike Nichols. Il y a quelques autres combats lors de la carte, mais des combattants qui nous intéressent un peu moins. Mais pour les combats que je vous ai mentionnés quand même, c'est une belle carte pour l'événement canadien Maximum Fighting Championship qui aura lieu le 2 octobre prochain au River Cree Resort and Casino à Edmonton, en Alberta. Oui, ils ont fait. On voit qu'ils ont dû travailler très fort pour ramasser tous ces noms-là, puis on les félicite. Ça devrait être un succès. À regarder les noms qui sont présents, on a hâte de voir les résultats de tous ces combats-là. Oui. Alors, pour les résultats, on vous invite à être de notre émission la semaine prochaine. Et ben finalement, il y a aussi un gala, mais amateur, qui se passera au Scratch de Laval. Le Fight Quest 9e édition, dont je vous rappelle le 3 octobre prochain. C'est un samedi. On vous invite à assister à l'événement organisé par Stéphane Duvigneault, un passionné de sport de combat et un des meilleurs combattants québécois également. Battant que j'aime bien au sol, un style fabuleux. Alors, Stéphane Bignot a préparé une carte somme toute intéressante. Je vous mentionne le combat principal de la soirée entre Guillaume Vigneault, qui s'entraîne maintenant avec Firas Zabi, donc le coach de Georges Saint-Pierre. Becky, autrefois, Guillaume Vigneault, s'entraînait à Québec avec le Nordic Fight Club, mais il est rendu à Montréal. Maintenant, il sera opposé à Pascal Gosselin, qui, lui, est du camp Force Extrême, qui, je pense, se situe à Sherbrooke. Et il y a d'autres noms et qui peuvent être intéressants. Beaucoup de gars de Firas Zabi qui sera là, du Tristar. Alors, c'est une carte à ne pas manquer. On vous invite le 3 octobre prochain, Fight Quest 9 au Scratch de Laval. L'une des organisations les plus sérieuses, je pense, dans le domaine amateur au Québec. Il y a le Fight Quest, il y a Ring Extreme également qui font du bon travail. Puis il y en a d'autres un peu partout qui, de plus en plus, offrent des cartes intéressantes au niveau amateur au Québec. Alors Fred, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on termine ou est-ce qu'on se prend une petite pause? C'est à ton goût. Je pense que j'ai sauté une pause tantôt. Je sais plus trop. Je me suis peut-être un peu emmêlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va arrêter 2 petites secondes et on va finir en force avec quelques dernières nouvelles et rumeurs dans le monde du MMA. Peut-être en même temps, vu que tu mentionnais avoir un petit peu été déçu avec la musique, s'il n'y a jamais des groupes locaux qui voudraient se faire connaître, envoyez-moi vos chansons que vous faites. On n'a pas de budget pour financer ça, mais ça va nous faire plaisir de vous faire connaître à Oui, tous les amateurs. Alors, si jamais vous avez quelques chansons à nous faire écouter, si jamais on aime ça, on va y faire jouer pendant nos pauses. sinon, c'est ça l'alternative, c'est ça, ou sinon c'est la musique d'ascenseur, ou c'est possible que je me mette à chanter, puis ça, je vous le dis, ça vous tente pas. On va faire ça en duo. Et bon, on revient dans quelques secondes. Dernier segment de cette émission-ci, qui, je vous rappelle, est la dernière émission préparatoire la semaine prochaine. On aura un nouveau nom Et nous, on sera tout beau, tout parfait. Et on va être bon la semaine prochaine. Pour qu'on soit encore meilleur, on vous invite à nous donner votre opinion, vos commentaires, vos plaintes, vos confessions. Si vous êtes une belle jeune fille d'à peu près 25 ans et plus, nageuse et athlétique et infirmière de profession, j'ai peut-être des projets pour toi. Tu m'écris et on verra ce qu'on ça pourra te donner. Alors, beaucoup de plaisir à venir dans les prochaines semaines. On vous invite de semaine en semaine. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour une heure et demie, deux heures. Aujourd'hui, j'ai parlé trop et n'hésitez pas à nous écrire et à nous dire Ken, tu nous as parlé de combattant puis on s'en sacrait comme l'an 40. C'était vraiment pas intéressant. Et tu t'étires sur des combattants pas assez intéressants. Ou au contraire, si vous me dites hey, tu nous fais découvrir des noms qu'on connaissait pas et en fin de compte, on a compris pourquoi on les connaissait pas, pour ne pas les connaître. Ou en tous les cas, on veut savoir ce que vous pensez. C'est comme ça qu'on va faire une émission qui saura vous plaire, mais pour l'instant, le dernier bloc est une présentation de MMAnouvelles.com parce que si vous êtes un amateur de MMA, vous devez absolument d'aller visiter MMAnouvelles.com régulièrement. Et si vous ne l'êtes pas amateur de MMA, bien si vous visitez MMAnouvelles.com, vous allez le devenir parce que c'est un site absolument magnifique pour toutes les nouvelles, les potins à propos du UFC notamment, et même encore plus des vidéos, plein de choses, des nouvelles choses. Fred, il y a plein d'idées. Et là, je vais laisser un peu Fred nous parler de ce qu'il nous a surveillé au courant de la semaine et on va en discuter ensemble. Oui, ben on a parlé un peu plus tôt là, de Vitor Belfort et Anderson Silva. On pourrait revenir un petit peu sur le sujet en disant, en discutant premièrement, voir si toi, tu es heureux de ce combat-là. Moi, je suis relativement heureux. J'aurais voulu voir Nate Marquardt. Par rapport au dernier sondage, les amateurs, eux autres, semblaient vouloir Vitor Belfort. Alors, la majorité vont être contents. Toi, personnellement, est-ce que c'est un choix qui te satisfait, Belfort contre Silva? Oui, absolument. Puis, tu sais, le UFC là, s'est trompé à quelques reprises dernièrement lorsqu'ils ont mis des adversaires en face d'Anderson Silva. Alors là, je pense qu'ils ne voulaient pas se tromper. Ils ont pris un gars qui va très bien sur quelques belles victoires consécutives, qui se débrouille très bien debout, qu'une boxe avec des mains rapides et puissantes. Anderson et Marquardt ont déjà eu leur chance face à Silva. Avec Belfort, est-ce que ça va donner des meilleurs résultats? J'ai hâte de voir ça. Au sol, j'ai l'impression que Belfort est peut-être supérieur à Silva, mais tu sais, je dis ça comme ça, parce qu'on n'a jamais vraiment vu Belfort à l'œuvre au sol. En tout cas, moi, j'ai jamais eu la chance de voir ça, mais on dit que c'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien sous Carlson Gracie. Anderson Silva, c'est également s'entraîne avec les frères Nogueira au sol, puis apparemment, qui n'est pas à piquer des verres non plus. Debout, ben Anderson Silva, évidemment, a des jambes, ce que Belfort n'a pas vraiment. Anderson Silva, peut-être le combattant le plus fluide et avec les meilleurs déplacements debout. Belfort, c'est pas le gars qui se déplace le mieux, mais il bouge de manière intelligente, puis c'est un gars, c'est un prodigieux qui peut, lorsque tout va pour lui, il peut être très dangereux. Puis, par contre, ce qui est important pour Belfort, c'est d'être confiant et sur une belle lancée. Il faut qu'il soit confiant pour nous donner un bon combat face à Anderson Silva. Et c'est un combat, moi, qui m'intéresse beaucoup. Oui, moi aussi, je suis très intéressé par le combat Belfort-Silva. La seule chose un peu que... C'est pas qu'il me déçoit, mais Belfort a exactement une fiche de 0 victoire, 0 défaite et en 0 combat à 185 livres dans l'UFC. Alors, c'est peut-être juste le seul point que je trouve un peu... plate pour Marquardt et Anderson qui, eux, ont battu plusieurs combattants quand même dans cette division-là. Mais non, c'est sûr que le spectacle en tant que tel, il décevra pas. Belfort a battu des bons combattants récemment. Franklin, c'est un gars très solide. Matt Lindlin, au moment que Belfort a battu Lindlin était considéré dans les meilleurs à 185 livres. Et c'est une victoire importante. Alors, Belfort contre Anderson Silva, ça va être intéressant. Moi, j'ai lu cette semaine un article, j'ai oublié où, que Vitor Belfort avait passé aussi du temps avec l'entraîneur de karaté de Machida. Je ne sais pas si c'était le père ou quelqu'un de l'entourage. Belfort a servi de partenaire d'entraînement à Machida, je pense, lorsque Machida s'est préparé pour ce que c'était Rachad Evans, peu importe là. Je sais qu'il y avait Satoshi Ishii aussi également qui avait été pour être partenaire d'entraînement de Lyoto Machida à cette époque-là. Alors, effectivement, il y a eu entraînement entre Belfort et Machida, mais là, Machida, évidemment, c'est un très bon ami d'Anderson Silva, puis il partage le même gérant également. On peut comprendre que là, Belfort n'aura pas le soutien de Machida, certainement. Non, c'est ça, mais je mentionnais ça parce que une fois que j'ai lu ça, j'ai revu le combat de Belfort, puis après avoir lu ça, j'ai vu un peu du positionnement de Belfort qui avait changé un peu, il esquivait, puis il gardait justement Machida va garder le haut du corps un peu reculé, et Belfort avait un positionnement similaire à Machida après avoir lu ça, j'ai remarqué ça en regardant le combat, c'était intéressant, je trouvais. Je ne sais pas ce que ça va donner, cet affrontement-là, par contre. J'ai hâte de voir ça, mais en même temps, je ne suis pas sûr que ça va être aussi spectaculaire qu'on pourrait peut-être anticiper. Voyons voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte que Anderson Silva se fasse battre, là. C'est trop facile pour lui dans les dernières années, là. J'ai hâte de voir quelqu'un d'autre prendre la relève d'Anderson Silva. Ouais, ben pour tout de suite, je pense qu'il faut mettre Silva favori et assez par beaucoup quand même, parce que Vitor Belfort connaît une bonne séquence, mais Anderson Silva connaît plusieurs bonnes années dominantes. Alors pour le moment, jusqu'à temps que quelqu'un le batte, Anderson Silva doit être considéré le roi de sa division. Ça, c'est officiel. Certainement. Maintenant, on va parler Strike Force. Ils sont allés chercher un gaillard, un joueur de football là, du nom d'Herschel Walker. Je suis pas un grand amateur de la NFL, mais quand même, je connaissais déjà ce nom-là. Mais c'est un retraité. Quoi, il a 37 ans, je pense, et même plus. Même plus. Hein. 47. 47. 47. 47? Mais Oui. qu'est-ce qui se passe? Faut pas prendre ça comme trop sérieux. Mais faut connaître Herschel Walker, l'homme en tant que tel, parce que Herschel Walker est un excellent athlète. C'est ça. Plus tôt dans l'émission, je parlais un peu. Moi, je suis un amateur d'athlète naturel. Et Herschel Walker, ça en est un. Faut dire tout de suite que Herschel Walker a dit qu'il allait donner l'argent qu'il gagnait à la charité. C'est juste un challenge pour lui, puis je m'attends pas à ce qu'on le voie devant un super athlète. Mais Herschel Walker a plusieurs années en taekwondo. Je connais pas assez le taekwondo, j'ai recherché, mais ça disait en anglais un 8-degree black belt. Wow. Alors, je sais que d'un point de vue MMA, c'est rien de spectaculaire, mais Herschel Walker, comme je dis, c'est plus une question de l'homme en tant que tel. Faut mentionner, il a déjà aussi participé aux Olympiques en bobsleigh pour l'équipe américaine. Alors, Ah, c'est. là, je suis convaincu, là. Là, je suis convaincu. Non, mais comme je dis, c'est pas un combat sérieux, ça c'est officiel. Mais l'homme en tant que tel, Herschel Walker, a une histoire intéressante. C'est un excellent athlète. Il a participé dans plusieurs sports. Et il essaie un nouvel essai dans sa carrière. J'ai pas lu si ça serait plus qu'un combat. Je m'attends pas à ce que ça soit plus qu'un combat. Peut-être si ça va bien pour lui. Je m'attends pas non plus à ce qu'on le voit dans des combats importants. Mais en même temps, je suis content parce que la NFL, ça va attirer surtout un nom comme Herschel Walker. On parlait de Ricardo Mayorga. Herschel Walker va attirer les caméras. Et je lance juste un exemple de même. Mais si Herschel Walker combat sur la même carte de combat qu'un Fedor Emelianenko, ça va mettre beaucoup de monde qui vont en même temps voir Fedor Emelianenko qui n'aurait peut-être pas regardé le Ouais, tu combat as avant. raison, une nouvelle clientèle. Puis le MMA a bien besoin de ça. Il y a beaucoup de monde qui se sont mis à la sauce MMA dernièrement. Beaucoup de plus en plus d'adeptes, mais on a toujours besoin d'un peu plus. Puis effectivement, c'est le genre de contribution que peut apporter des gars comme Herschel Walker, Oui, peut-être même Ricardo Mayorga. Puis. je suis pas amateur de tous ceux qui font ça non plus, parce que si on regarde Johnny Morton, l'ancien joueur de la NFL, lui il arrivait avec vraiment pas beaucoup d'expérience de combat, et on voulait plus nous pas nous le vendre, mais il y avait comme une promotion que si on veut, il s'en allait vers une vraie carrière. Tandis qu'avec Herschel Walker, il n'y a pas ça. J'ai entendu des entrevues avec lui, là, c'est vraiment plus une question personnelle de se tester. Puis je respecte ça complètement. Il a complètement le droit en tant que tel. Puis vu qu'il y a un nom qui va attirer les regards, ça lui donne cette opportunité. Alors, je suis très content pour lui, moi, personnellement. Mais c'est bien. Et tu sais que Fred, sur la scène ici québécoise, il y a Nicolas Gill qui aurait peut-être pu, il y a un moment donné, il y a eu des discussions, puis apparemment très sérieuses, et Nicolas Gill aurait pu combattre en MMA. Oh, j'aurais beaucoup aimé ça, que ce soit Nicolas Gill. Je sais que on a des bonnes athlètes en lutte aussi. J'ai pas les noms Ouais, qui me viennent Martine Tiraillier, je pense. exactement. Que certains appellent Martin. Donc, si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous allez comprendre pourquoi, mais écoutez, c'était une charmante fille. Oui. Elle a gagné une médaille d'or, là, je pense, hier ou avant-hier. Exactement. Alors, il y a beaucoup de talent dans les sports de combat au Québec amateur, que ce soit le judo, que ce soit la lutte. Alors, c'est excellent. Il faut voir, peut-être que ces athlètes-là n'ont pas non plus le goût de poursuivre une carrière dans le MMA, mais ça montre qu'il y a du talent. Et avec la popularité du sport qui n'arrête pas de monter, on va avoir de plus en plus de monde sortir de ce milieu-là et faire la transition en MMA, comme Daniel Cormier vient de le faire, on en parlait plus tôt, là. On dirait que ça se termine là-dessus, Fred Amoy. Oh, il y a également sur ma liste, je vois John McCartney John McCarthy. John McCarthy, Ouais, tu vas qui commencer à chanter, là. oui, ne reçoit pas sa licence. Alors, on sait que c'était l'ancien arbitre en chef du UFC, puis à un moment donné, il a décidé de quitter, puis là, il est revenu comme arbitre, mais pas encore dans le UFC. Puis je pense qu'il n'a pas reçu sa licence à Las Vegas. Est-ce que tu as des développements là-dessus? Ouais, ben, en gros, la commission a donné comme raison qu'ils ne cherchaient pas à engager de nouveaux arbitres. Personnellement, j'aurais peut-être mis Steve Mazzagatti ou Mirigliata de côté pour une place pour McCarthy. Mais c'est un peu décevant. Je connais pas exactement les chicanes, mais il y aurait eu des chicanes où ce que John McCarthy a été très critique envers la commission dans le passé. J'ai pas d'exemple concret à donner, Au mais Québec, je pense qu'on pourrait l'inviter. On en aurait bien besoin. par Effectivement, on a Yves Lavigne qui est un des très bons. Mais sinon, qu'on en arrache au Québec sur la scène professionnelle, en MMA surtout, là, je pense à Jerry Bowlen, là, il doit être un charmant monsieur, mais à chaque fois que je le vois dans un événement, il commet des erreurs de jugement. Puis je sais qu'il arbitre en boxe aussi, notamment, puis il a arbitré le combat. Qui vient juste de se passer entre Jean-Pascal puis Silvio Branco. Puis encore une fois, je voyais des gars, là, des connaisseurs de boxe qui également trouvaient que c'était pas le meilleur pour arbitrer un combat principal d'une carte et un combat de championnat pour une carte de boxe. Le gars, il a pas sa place ni en boxe ni en MMA. On aurait bien besoin de John McCarthy, mais bon, on comprendra que lui a peut-être pas besoin de nous, malheureusement. Oui, mais justement, c'est ça. Le MMA a besoin d'un McCarthy. C'est l'arbitre qui est le plus reconnu. En mémoire, il y a pas d'arbitre parfait. Il a sûrement fait une erreur à un moment dans sa carrière, John McCarthy. Mais je pense que 90% des amateurs, si pas plus, vont être d'accord à dire que c'est sûrement le meilleur arbitre qu'on a vu dans l'histoire. Oui, puis à parler à des gens proches, là, des combattants, des arbitres proches, puis ils vont vous dire également que John McCarthy, c'était probablement le meilleur. Oui, c'est ça. Et pour ce qui est des arbitres qui font pas un bon travail, on va retourner un peu dans le même genre de discussion qu'on a eu plus tôt. Moi, je vais aller plus haut parce qu'il faut pas oublier que ces arbitres-là sont employés par les différentes commissions. Alors, c'est facile de jeter toujours le blâme sur l'arbitre, mais à un moment donné, quand il y a tellement d'erreurs, et je parle pas du Québec juste, là, je parle au Nevada, je suis pas un amateur de Steve Mazzagatti, et à différentes places, là, c'est mondialement. L'arbitre en tant que tel, c'est juste un individu. Et il faudrait se demander à quelque part s'ils ont le bon entraînement, parce que c'est un sport très rapide. Il faut un entraînement sérieux où ce que. La sécurité des combattants en dépend. Alors, moi, des fois, je doute de l'entraînement que ces arbitres-là ont eu pour faire leur travail après ça. J'aimerais ça voir beaucoup plus de être plus serré de la part des différentes commissions, d'avoir des vrais entraînements intenses, à s'assurer que les gars sont bien formés pour qu'une fois qu'ils arrivent dans le ring, ils savent quoi faire. Oui, ben effectivement. Puis il faudrait peut-être expliquer à quelqu'un c'est quoi une clé de bras, tout ça, parce que je vous dis, au Québec, là, il y a des gens qui connaissent rien aux arts martiaux qui arbitrent présentement dans les cartes de MMA. C'est dommage, c'est comme ça. Et on ne changera pas les choses, en tout cas pas tout de suite, malheureusement. Et ça se termine, je pense, Fred. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ces belles paroles où on met l'arbitrage en question. Puis effectivement, le MMA est en plein essor, mais il y a peut-être du côté arbitrage, il y aura des choses à améliorer toujours. Oui, ben c'est ça. En finissant, peut-être juste dire, on est critique, tout ça, mais faut pas oublier non plus que le MMA a environ 15-16 ans et c'est un sport qui va évoluer avec le temps. Le hockey a plus de 100 ans et il y a encore des controverses qui arrivent. Le football aussi, le baseball aussi. Alors, faut pas être trop dur non plus. On s'amuse à être dur avec les différents arbitres, mais faut comprendre en même temps que le sport évolue et il va s'améliorer avec ces différentes controverses-là. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à notre vraie première émission. On se sera trouvé un nom en plus de ça. Et on va vous parler la semaine prochaine de quelques résultats, dont du UFC, dont on vous a parlé avec Travis Luther qui affrontera le Canadien Jason McDonald. On aura la présentation de quelques cartes intéressantes. WEC 43, je pense, c'est prévu pour le 10 octobre. On devrait vous présenter cette carte-là. Warrior One également, un autre événement canadien qui aura lieu au Québec à Gatineau, là, juste dans les limites, avec Shawnee Carter, monsieur international, un vétéran, un vieux de la vieille, qui va être là pour affronter Carlos Newton. Alors, ça, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 4 octobre prochain, débutera une toute nouvelle aventure. Soyez-y, mesdames, messieurs, là-dessus. Frédéric Garcia, je te souhaite une belle semaine et on va être en force dimanche prochain. Oui, pareillement, puis une belle semaine à tous.